Ouais, mais lui, il était fan de Wham aussi. C'est pas vrai. Ils m'ont marqué, je te jure. Et ils sont ensemble et ça se passe bien. Enfin, j'espère, n'est-ce pas, Alex? Oui, ça se passe. On a eu des hauts débats, mais ça se passe bien. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui, c'est normal. Est-ce que vous copulez devant des photos de Kev? Oh, Vanessa, putain. Elle vient tout chier. On est dans du love, c'est beau et tout. Et toi, t'es là dans d'Asie. C'est vrai, Vanessa, si je puis me permettre, c'était romantique comme moment. Ah oui, bah, attendez, le sexe, c'est un peu être. Mais Alex, hein, on a quand même envie que tu répondes à la question de Vanessa. Oui, j'ai pas entendu. Alors, est-ce que. Ne réponds pas à cette question. Est-ce que Alexandre. Vous faites l'amour et qu'à côté ou au-dessus de vous, il y a des photos de Kev? Alors, il y a des posters. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, il est resté classe. Il est resté hyper classe. Voilà. En mode, oui, il y a des posters, bien sûr, chez nous, mais on va pas commencer à. Tu vois. Et je comprends pas comment ils se sont rencontrés parce qu'ils sont fans de toi, mais c'est sur un forum, c'est sur quoi? Bah, demande-lui, demande à Alexandre. Alexandre, c'était comment la rencontre avec ta chérie? Alors, en fait, je vais tout expliquer. En fait, on s'était rencontrés sur Twitter à la base. Ok. Et une semaine après, on devait aller voir l'avant-première de Ami Public, le 25 janvier 2016. Voilà. Et on s'est dit, on allait se rencontrer là parce qu'elle y allait aussi. Le jour même, elle y allait. Donc, du coup, on s'est dit, on va se rencontrer. Et on s'est rencontrés donc à Ami Public et le 31, je l'ai pécho. Ouais, champion! Ça partait bien, J'adore. Et après, je l'ai il est gentil comme toi, à chaque fois il fait des cadeaux, sa copine elle me fait des cadeaux aussi. Vraiment merci mec, t'es un mec super. Bah toi aussi t'es un mec super, franchement bravo, puis je suis très content de pouvoir parler avec toi et voilà, continue. Vous m'avez touché les deux là. Ah ouais, super ce mec. Je suis très ému, Kev. Toujours très gentil, toujours très, tu vois, la gentillesse, quoi. Tu sais, des fois ils sont gentils, très gentils, et du coup, un peu trop. Lui, il connaît, il est très classe, toujours un truc. Ça va, Kev, mortel, tu te rappelles de moi, bien sûr. Allez, salut, bonne soirée. Respectueux, quoi. Ouais, la classe. Et puis, ils sont mignons comme tout, lui, sa copine, en plus. Vraiment, ils se sont trouvés, quoi. Comment elle s'appelle, ta meuf, Alex? Elle s'appelle Océane. Eh ben, on l'embrasse bien fort, Océane. Ouais. Et puis on vous souhaite plus d'eau que de bas. Pour Vanessa, j'espère qu'elle s'est pas sentie trop seule. Ah bah, ça serait mignon. Non, mais tu veux dire là tout de suite ou dans ma vie? Tu joues aussi très très bien dans le film, Vanessa. Merci, c'est gentil. Comme il est mignon, alors qu'elle va. Mais sinon, je me sens un peu seule, oui, dans ma vie tous les jours. J'ai pas beaucoup d'amis. Ah non. Profite. Mais c'est pas grave. J'aimerais terminer sur une petite note positive, je peux ou pas? Oui. Ah oui. Allez, vous allez tous reprendre avec moi. Moi, je chante le couplet et vous chantez le refrain. Ah là, ouais, je l'adore. Attends, Alex, qu'est-ce que tu... Vas-y. Ah là, bah oui, c'est lui, c'est lui. Ah là, oui, c'est moi. Ah là, bah oui, c'est lui, c'est lui. Ah là, oui, c'est moi. Tu sais que nous, on l'a vu il y a 15 jours et je l'ai dans la tête tous les jours. Ouais, je me réveille avec tous les jours. La chanson, elle est terrible. C'est un truc de ouf. Et la petite histoire, c'est que, pardon, excuse-moi de t'interrompre, Kev. La petite chanson de fin, je devais la chanter avec Kev. Ouais. Et puis, ils m'ont entendu la faire et puis ils ont dit... Ah non. Alors, on va appeler Tal. voilà, ce sera bien avec Tal. Et pour le coup, elle le fait très bien, Tal aussi. Bah, voilà. Ouais, tu chantes au début, tu fais le début. Oui, vous avez vu comme c'est inaudible. Ça suffit. C'est horrible. Alexandre, en tout cas, on t'embrasse très fort, mon chat. Merci de nous avoir appelés. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun? Ouais, bah, on te repasse au standard si tu veux. Je reste avec eux, c'est eux les négociants. C'est Kev au standard. Allez, enfin. T'inquiète, Alex, on t'envoie un pack fun et un pack. On a même des packs énergie, on te le balance. Bisous mon chat. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter un gros merde pour mercredi. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de souci à se faire. On a kiffé le film. Allez le voir et dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas, c'est le 3 octobre en salle. En famille, à base de confiserie, on n'oublie pas. Oui, c'est oui. Ça aussi le truc. La famille, la rigolade, la confiserie. Voilà. Exactement. Et l'amour. Et l'amour. Et la chance et la santé. On est ensemble. Parfait. Pablo. Et n'oubliez pas, mercredi, il y a un super film de Romain Duris qui va sortir. Qui est vraiment incroyable. Foncez. Oui. Lui vraiment alors hein. Lui il fait déjà le tatouage du film de Vanessa, maintenant voilà. Romain Duris, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu soutiens le cinéma étrange, c'est le mot, ouais. Allez, on vous embrasse bien fort, merci encore d'être venus, puis de toute façon vous êtes tout le temps les bienvenus dans cette émission, quoi. Vous êtes un peu comme à la maison. Et pourquoi je passe des textes? Je n'ai aucune idée. On a fait toute l'émission. Je vais te dire, je suis parti. D'un coup, tu décides de me voler. Qu'est-ce qui se passe là? C'est d'un coup. Alors, attendez. Maintenant, là, quelle heure il est? Là, il est 22h. Écoutez-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Ce qu'on va faire, c'est à me préparer à un rôti de veau, Bruno. Ok? Ça va être incroyable. Prenez les pruneaux, vous entrez dans le cul du rôti. Ouais, Anso, elle est fatiguée. Hein. Il est temps de rentrer se coucher. On vous laisse avec l'équipe de Love in Fun. Passez tous une très belle soirée. Ça va bien? Est-ce qu'on est content d'être là? Allez, on fait une dernière fois. Ouais. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Bisous! Ça va, putain! Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio. C'est vrai qu'on est toujours très excités de reprendre l'émission. Je vois que tout le monde a le large sourire. Ça fait vraiment plaisir d'être là. J'espère que la journée a été cool. Il est 22h. 22h une minute, on est en direct hein, tous les soirs du dimanche au jeudi. Et d'ores et déjà, vous pouvez commencer à nous appeler là au standard, le 01 42 48 5000. Vous savez qu'on partage tout dans cette émission. On se dit tout. On est très heureux de partager justement cette nouvelle soirée avec vous. Je m'appelle Karel. Bonsoir Alice. Bonsoir. Le rayon de soleil tous les soirs qui s'installe. La responsable des réseaux sociaux. Oui, et carrément, je vous ai même mis un petit truc dans l'Insta Story de Love in Fun si vous voulez participer à l'examen qu'on vous fait passer tous les soirs et avoir votre diplôme Love in Fun qui d'ailleurs est prêt et magnifique. On va vous les envoyer. N'hésitez pas, il suffit d'envoyer votre petit numéro de téléphone. Voilà, dans l'Insta Story, c'est très simple. N'hésitez pas, il y a du cadeau à gagner. Alors, oui. Le diplôme. C'est Clara qui travaille avec nous sur tout ce qui est l'artistique. Hein, et elle a fait une créa de malade. Hein. Je peux super. Te dire, franchement, le diplôme, il a plus de gueule que le diplôme du bac. Grave. Non, c'est vrai. Hein. Mais même n'importe quel diplôme. Hein. Moi, j'ai eu un master, ça ressemble pas à ça. Hein. Franchement, c'est vraiment canon. Le diplôme Love in Fun, ça vaut tous les diplômes. Il s'est fait masser cet après-midi. Oui. C'est Doc qui est avec nous. Bonsoir, Doc. Oui, bonsoir. Doc qui a fait un massage, vous savez, c'est les fameux massages thaïlandais finition main. Tu sais, quand la nana, à la fin, elle s'occupe de toi. Non? Non. Ah non? Sans finition. Ouais, écoute, c'était très bien. Je vais te donner de bonnes adresses, Doc. Je n'en veux pas. Oh, c'est interdit en plus. J'avais vu un reportage comme ça à la télé. Ils ont fermé beaucoup de salons à Paris. Oui. Ouais, t'as l'air bien au courant quand même. Je m'intéresse à tout ce qui est sexualité, bien évidemment. Bien sûr, puisque Doc est sexologue. C'est son métier. C'est ça. Dans la vie, médecin généraliste, sexologue, profitez-en. Il sait plein de choses que nous, on ne sait pas. Hein. Donc n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Vous le savez aussi, dans cette émission, tous les soirs, il y a un auditeur qui est un auditeur un petit peu particulier. On peut dire qu'il est privilégié. Il devient un imam. Ce soir, nous accueillons, et je vous demande de l'applaudir très fort, Baptiste, 21 ans, de Cholet. Bonsoir Baptiste. Salut tout le monde. C'est sous une ambiance de 4 personnes hein, qui sont dans ce studio que tu viens d'atterrir dans Love in Fun. Baptiste, sois le bienvenu, tu habites dans le Maine-et-Loire, dans le 49, une ville que je connais bien. On s'en est parlé un petit peu en antenne tout à l'heure quand on s'est eu au téléphone. Alors Baptiste rêvait de faire de la radio. C'est vrai ça ou pas Baptiste? Bah oui. Bah oui, bah alors qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi dans la vie, Baptiste? Bah là, je suis en intérim. Et voilà. Après, je compte aller sur Paris pour aller travailler. Et bah et là, ce soir, tu vas pouvoir te faire plaisir avec nous justement et t'exercer un petit peu à la radio. Avec ton téléphone, tu vas pouvoir réagir à tout ce qui va se passer pendant l'émission. J'ai entendu des choses aussi, Baptiste. Il paraît que t'as fait l'amour sur un trampoline, toi. Ah ouais, en pleine soirée, juste à côté, mes potes en train de me regarder. Ah attends, ouais, attends, okay. C'est énorme ça. Mais le trampoline, ça bouge dans tous les sens. Comment t'as fait ton affaire? C'est un gros trampoline en fait, elle était sur moi. Ouais. Du coup, j'avais juste des petits bonds et ça se faisait tout seul quoi. Ah ouais. C'est génial. Faire l'amour sur un trampoline, c'est une bonne idée. Et donc, il y avait tous tes potes qui étaient en train de te mater. C'est ça. D'accord. Mais pas gêné quoi. Ah bah pas du tout, hein. On a l'habitude, mais c'est vrai qu'à un moment, ils me cherchaient et après, ils m'ont trouvé quoi. Ah bah tu m'étonnes. Bah Baptiste, si t'as envie de réagir ce soir hein, sur des sujets de, je sais pas, d'endroits insolites. Hein, vous avez déjà fait l'amour, on peut en parler aussi ce soir dans l'émission. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure des vidéos porno qui nous ont marqué. Mais tu sais, c'est quand on était jeune, quoi. C'est ouais, genre la première vidéo porno qui te choque un peu, quoi. Ouais ouais, carrément. Ah, parce que c'est vrai que quand tu découvres ça, ça peut être un petit peu choquant. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. On parlera aussi des coups de foudre. Oui. Est-ce que ça existe le coup de foudre? Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui vivent peut-être en ce moment un coup de foudre. Alors attention, parce que pareil que les coups de foudre, c'est pas généralement les relations qui durent le plus longtemps. On en parlera aussi ce soir. Ce sera l'occasion pour vous de nous donner vos témoignages là au standard au 01 42 48 5000. Baptiste. Oui. Qu'est-ce que tu veux écouter ce soir dans l'émission? Un petit David Guetta et Anne-Marie. Don't leave me alone. Dans l'émission aussi ce soir, c'est quoi ça, Baptiste? Un petit Martin Garrix? Non, ça c'est Kungs. Mais c'est bien essayé. C'est bien essayé. Be right here. Ça c'est Martin Garrix. Toute la soirée, on va se régaler avec les sons que vous adorez écouter toute la journée sur Fun Radio, avec souvent aussi beaucoup de nouveautés le soir. Entre 22h et minuit, c'est ici que vous découvrez les nouvelles bombes Fun Radio. Baptiste, on démarre l'émission? Bah oui, quand tu veux. Eh ben, on accueille Alban, 23 ans, de Biarritz. Salut Alban. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Bonsoir, bonsoir Alban, on est très content de t'accueillir dans l'émission. C'est, ça fait longtemps toi, que t'écoutes Love in Fun ou pas? Longtemps, ouais, quand même. Je dirais bien quelques années, quand même. Ah bah super. Merci beaucoup, Alban. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Bah en fait, bon, pour tout vous dire, je suis un peu stressée. Hein. Je suis carrément super stressée de vous appeler en fait ce soir. Ah, c'est normal, on t'impressionne. Bah en fait, j'espère que moi surtout, je vais pas vous impressionner. Vas-y, raconte. Mais en fait, voilà, j'ai un petit souci. Et vu que je vous écoute depuis un petit moment, je me suis dit que bah vous allez pouvoir m'aider. Ouais. En gros, voilà, moi j'ai 23 ans, j'habite à Biarritz, voilà, le sud, la fête, les soirées. Ouais. Et j'ai fait une grosse soirée samedi avec des copines. Mmh. Et voilà, mon mec, il était au courant que je sortais, donc il n'y avait pas de souci. On se dit quand même pas mal de choses. Et voilà, je suis sortie avec mes copines et j'ai bu. J'ai pas mal bu. J'ai beaucoup bu. Et ça s'est transformé en soirée qui est partie un petit peu en n'importe quoi. Et bah, je me suis retrouvée en fait avec un mec assez charmant. Ouais. Et pour dire un peu les choses clairement, je l'ai sucé. J'ai sucé. Ah oui, ok. Oui, donc t'as trompé ton mec. Ah, j'ai fait une petite pipe. Voilà. Oh, non. Justement, trompé, voilà. C'est la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que sucer, c'est tromper? Ah oui, attends, évidemment. Ah, évidemment non, évidemment non. Vous êtes malade ou quoi? Évidemment. Voilà, on a les deux. Alice pense que oui, c'est trompé. Moi, je pense que c'est embrasser quelqu'un, c'est tromper. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a mais bien sûr. Une pipounette n'a jamais tué personne, Alice. Tromper, c'est faire quelque chose à quelqu'un alors que t'es en couple avec quelqu'un d'autre. C'est trahir la personne. Mais tromper, c'est ça. Mais bien sûr. C'est une petite pipe. Tromper, c'est quoi? Faire un truc, tromper l'autre. Elle a trompé son mec en lui disant je suis à cette soirée. C'est avoir des sentiments amoureux. Mais n'importe où. Mais bien sûr. Doc, tranche. Je vais peut-être pas trancher. Justement, il s'agit de voir qu'est-ce que c'est que tromper pour elle et qu'est-ce qui est important. Une erreur sous alcool qui n'a aucune importance, je ne veux pas y donner d'importance et ok, bon voilà, c'est une connerie, j'aurais jamais dû la faire. Bon bah non, ça n'est plus tromper. Voilà. Bah. Attendez, vous foutez de ma gueule. Donc ça veut dire que de mon côté. Non, mais attends. Ça veut dire que je couche sous alcool. Je couche avec une dizaine de mecs, mais ça ne signifie rien parce que c'était sous alcool. Tu vois, donc mon mec, je l'ai pas trompé. Tu vois comment tu pars dans l'exagération. Mais non, mais tout de suite, on est parti d'un. Lui, hein. Oui, mais si une fois, elle c'est pas trompé. Avec. Elle dit bien, je n'ai pas couché mais avec. Sucé. J'ai juste sucé. Si une fois c'est pas trompé, 10 fois c'est pas trompé non plus. Ça change rien. C'est sur le même principe. Non. Donc je peux sucer 10 mecs et mon mec il sera pas trompé. Voilà, il sera pas cocu. Ah bah super chérie, je vais me faire plaisir. Calmez-vous les amis. Oh, le débat. C'est pas là. Comme ça que ça se joue. Alors n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, notamment le Facebook de l'émission, est-ce que Sucé s'est trompé. Bah, je pense non, mais j'en que pour pas. Je pense que pour 90% des filles ce sera oui et pour 90% des mecs. Mais pour 90% des mecs ce sera vrai aussi parce que oui, ta meuf sais. Elle te dit j'ai sucé un mec, à mon avis tu te sens trompé, tu vois. Ah bah complètement. Et ben voilà, donc Sucé s'est trompé. Merci Karel. Non voilà. Mais c'est bon, il l'a dit. Évidemment. Voilà. Kassim, est-ce que Sucé s'est trompé? Pour moi. Faire sucer, c'est pas trompé. Ah, voilà. Hey, celle-là, il a préparé. C'est quoi ça? Je vous le dis, ça fait au moins une heure qu'il est dessus, le gars. Hein? Non, tout dépend vraiment du sens qu'on veut y donner. Et effectivement, si c'est important pour soi et que c'est un vrai problème, qu'il y a quelque chose derrière, oui, je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait, ou oui, peut-être que ça veut dire quelque chose sur mon couple, oui, dans ce cas-là, c'est trompé. Mais il y a parfois où vraiment on fait une connerie, on se la prend tout seul dans la tête, on réfléchit tout seul dans son coin et on dit bon, ok, allez, on va effacer ça, je n'aurais jamais dû le faire. Mais on l'a fait quand même. Oui, bien sûr. Mais on peut en apprendre quelque chose et on n'est pas obligé d'en faire là. Ah non. Tromperie qui va casser le couple et casser la relation. Alors, parce que pour moi, tromperie, c'est surtout effectivement avec le cœur. C'est-à-dire que tromper quelqu'un, c'est faire une erreur presque exprès. Mais il y a trahison. C'est y mettre un sens. Il y a trahison. Alors Alban, on parle beaucoup. Voilà, depuis que tu nous as dit que tu avais sucé le mec, on n'a pas eu ta réaction. Toi, comment tu vois les choses? Bah, je sais pas. Je suis un peu perdue en fait par rapport à ça parce que je peux comprendre qu'on puisse dire ouais voilà elle l'a sucé, s'est trompée, mais je vois pas pourquoi les nanas elles auraient jamais le droit de faire des trucs comme ça et forcément c'est tout de suite des salopes alors que les mecs ils ont c'est droit. C'est des enfoirés et aussi. Ah, mais ça n'a rien à voir. Alors je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Là tu serais pas Alban, tu serais Alban, tu nous racontais la même histoire, tu aurais fait un cunier à une meuf sous les escaliers et on t'aurait dit bah c'est pareil, ça change rien du tout que tu sois une meuf ou un mec, ça change rien. C'est juste, est-ce que tu pars du principe que ton mec va se sentir trahi ou pas? Est-ce que tu lui as fait une promesse que t'as pas tenue? Bah peut-être que oui, si vous êtes promis exclusivité, là forcément. Alors, ce que je te propose, Alban, c'est de demander aussi l'avis à Baptiste, notre auditeur du soir. Baptiste? Oui. Imagine ta copine, voilà, qui suce un pote en soirée. Ouais. Est-ce que sucer, c'est tromper? Pour moi, non. Ah bon? Genre, elle t'aurait pas trompé ta meuf si elle avait sucé un autre mec? Non, parce qu'après, je suis très ouvert, moi. Ça me dérangerait pas qu'elle aille sucer un autre mec. Après, donc, on a des sentiments envers l'autre et qu'on se dit les choses. Oui, mais toi, tu baisses devant tes potes sur un trampoline, donc t'es hyper ouvert. Ah ouais, toi, ouais, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde regarde, ils ont l'habitude, tu l'as dit, donc. Qu'est-ce que t'as? Je crois que c'est aussi le degré de communication qu'il y a dans le couple. Je veux dire, si Alban, effectivement, va avoir. Imaginons, hein, son mec très dans la communication, dans l'ouverture et bon voilà, écoute, j'ai fait une connerie, je te le dis, je préfère que tu le saches par moi, je m'en veux, ça ne se reproduira pas. Bon, est-ce qu'il y a tromperie à partir du moment où on en a parlé? Ouais, Alice. Alban, oui. Bah nous on communique beaucoup, on se dit beaucoup les choses et voilà, moi j'estime que au jour d'aujourd'hui je dois être honnête et je dois lui dire mais j'ai peur de sa réaction. Oh bah on va l'appeler, voilà, on va t'aider Alban. Je sais pas comment il va réagir et ouais c'est vrai que voilà j'ai sucé quelqu'un d'autre mais je l'ai pas fait avec amour il m'a pas touché, juste pas voilà. Alban, mais juste une question. Est-ce que t'as été jusqu'au bout lors de cette petite pipe? Non, on n'a pas été jusqu'au bout. Et pourquoi tu l'as faite? Parce que tu vois, moi, il y a juste une question que je me pose, c'est que quand t'es une meuf et tout, à la limite, tu dérapes. C'est aussi un peu pour ton plaisir personnel aussi, tu vois. Je veux dire, c'est l'envie, la pulsion, mais un truc qui se partage. Alors que là, pour le coup, tu sais, c'est pas comme si ça t'avait, enfin, apporté le moindre plaisir, sauf de te faire désirer par un mec que tu connais pas, tu vois. Ah bah si, moi je sais, ça m'apporte du plaisir. Oui, mais dans le sens, quand je dis le plaisir, c'est pas genre, tu vas pas te taper un orgasme avec ton palais, quoi, non plus. C'est surtout aussi, tu lui offres quelque chose et la situation t'excite. Bah, je pense que c'était la frénésie du moment, en fait. Oui, le fait de le faire. On était bourrés, c'était une bonne soirée, et puis le fait de faire quelque chose un peu d'interdit, et voilà, faire quelque chose qu'on se dit, voilà, on le refera pas, on a profité, on a kiffé sur le moment, et sur le coup, on n'y pense pas, en fait, on est pris dans le truc. Alban, ce que je te propose, ça sert à rien de te justifier, c'est pas à nous que tu dois te justifier. Bah non. Alban. Ce qu'il faut, c'est effectivement savoir si oui ou non t'as envie d'être franche avec ton mec et de lui annoncer cette nouvelle du week-end. Ouais, moi j'ai envie d'être franche, je suis quelqu'un de franche et bah voilà, j'assume et puis on verra bien comment il réagit. Ok, bah on va voir ça dans un instant. Vous restez bien avec nous. Alban va appeler son mec pour lui annoncer qu'elle a sucé un autre gars ce week-end. Moi, franchement, je sais pas vous, mais moi, je reste. Hein. En même temps, moi, je suis payé pour ça. Je reste de toute façon. Hein. Je suis là jusqu'à minuit. Hein. On va revenir avec Keymotion. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Over That Girl sur Fun Radio. À tout de suite, les amis. Suivez Lovin' Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Salut la famille, j'ai besoin de vous pour passer un message à ma chérie. Ça fait un an que je lui parle de mariage, je n'ose pas faire ma demande. Bonjour Aurélie, j'ai un message pour toi, c'est la chanson du jour. Ok. Et est-ce que tu veux m'épouser ? Est-ce que tu peux aller ouvrir la porte de ta maison, s'il te plaît ? C'est un grand mal, Bon, Guillaume, demande-lui avec ta voix. Je vais épouser mon cœur. Oui. Allez dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Waouh, et celle-là, regarde. Alors ça, c'est moi dans le grand bassin, et là, ça, c'est moi. Oui, non, mais je vais y aller, là. Bah non, mais je croyais qu'on rentrait sur le même vol à 18h. Oui, mais je me suis trompé. En fait, je prends celui de 16h. Mais non, je voulais te montrer les photos de moi qui fait de la planche à voile. C'est bête, hein. Ah oui, c'est bête. Avec EasyJet, il est possible d'embarquer sur le vol précédent pour seulement 30 euros. Et ça, ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Love in fun. Love in fun. 22h minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Love in sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio et Love in Fun qui commence très très fort avec Alban hein, qui nous a appelé pour nous annoncer la nouvelle de ce week-end, la petite pipe hein, puisqu'elle a sucé un mec qui n'était pas son mec ce week-end. Elle veut appeler son mec pour lui annoncer. C'est juste après Keymotion sur Fun Radio. Her skin on my skin, I can't erase it. Every time I start to think of you, I remember about that summertime of love. Even though I know what we could be, you thought it was a perfect time to rush. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. Oh, what? Yeah, yeah. And I thought that we'd be making magic, living the life and stopping traffic. Now I swear they're fading. Cause darling, your love is overrated. Every time I start to think of you, I remember about that summertime of love. Even though I know what we could be, you thought it was a perfect time to rush. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. I'm over that girl. Yeah, I love some soft car lovers, don't mess around. Heavy hearts crashing on when they hit the ground. Get my fix, we don't need to talk. Seth, you a cake with the cherry on top, yeah. You gotta get it now, no got no second chance. I'm gonna be shaking and baking and do my winning dance. I am your kind of girl, not here to waste my day. And much to do, back up, shut up and clean your plate. Even though I know what we could be, you thought it was a perfect time to Ski Motion sur Fun Radio, Over That Girl. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On vient de m'informer un instant par une info d'Alice de Fun Radio qui me dit que nous sommes en direct sur le Facebook Live. Oui, exactement. Salut, salut les amis, tous ceux qui se connectent. Alors, ils sont en train de se connecter là. Bienvenue, bienvenue à vous. Et si on fait un Facebook Live, c'est parce qu'on risque de vivre un moment assez particulier là maintenant sur Fun Radio. Ouais. Nous sommes avec Alban qui crée le débat dans l'équipe et d'ailleurs vous êtes très nombreux à réagir. Voilà, en nous écoutant. Alban, ce week-end, je vais tenter de résumer un petit peu ce qui s'est passé. T'as 23 ans, t'es à Biarritz. Tu nous as d'ailleurs dit que dans le sud on était chaud, etc. Mais on est chaud partout. Hein. Et toi, Alban, t'as fait une erreur ce week-end, c'est-à-dire que t'as beaucoup bu, t'as trop bu, t'étais à une soirée, ton mec était au courant que t'étais à une soirée, et puis ce soir-là, c'était samedi soir, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, t'as fait une connerie, t'as sympathisé avec un mec et tu l'as pompé. Mmh. Tu l'as sucé, petite gâterie. Et on s'est posé la question, est-ce que sucer, c'est tromper? Hein, et effectivement, plus de 95% de ceux qui réagissent là en ce moment disent oui. Dont moi. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, sur le Facebook Live, sucer c'est tromper, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce que pour vous c'est le cas? Est-ce que non? Tranquille, hein, on a le droit à une petite pipe. Voilà, ça fait débat. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est tromper. Après, effectivement, il y a des circonstances atténuantes, il y a une situation, parfois il y a de l'alcool. Et c'est un aussi... bon dos, l'alcool. Bah, c'est pas qu'on a le droit de tromper ou qu'on a le droit de sucer, pas du tout, du tout. C'est un accident a posteriori dont on essaye de trouver le sens. Voilà, c'est quel sens ça a pour moi? Quel sens a une pipe? Ah, c'est une bonne question. Le sens de la pipe. Quel est le sens que moi j'y donne? Si pour moi c'est tromper mon mec, ok, bah ça l'est. Et si pour mon mec je sais que ça l'est aussi, ça l'est. Il y a aucun souci avec ça. C'est juste aussi de se dédramatiser parfois parce qu'on s'en fait des montagnes et de se dire bon bah en même temps est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que je vais détruire mon couple pour cette connerie que j'ai fait et dont je sais que ça n'est qu'une connerie? Voilà, c'est juste cette question là. Hein. Je dis pas qu'il faut le faire, qu'on a tous le droit de le faire et que c'est bien. Vraiment pas. Hein. Alors Alban, tu nous as dit, moi de toute façon j'ai l'intention d'en parler à mon mec et tu veux le faire ce soir en direct sur Fun Radio pour qu'on puisse, j'imagine, aussi t'aider à en parler avec lui, parce que à mon avis ça va être le choc, Alban. Bah ouais, toute seule, j'ai vraiment peur en fait de sa réaction et clairement voilà, j'ai pas envie de le perdre pour ça en fait. Ce qu'on t'a pas demandé, c'est ça fait combien de temps que t'es avec ton mec là? Ça fait presque 2 ans. 2 ans, d'accord. Et vous habitez ensemble? Non, on n'habite pas encore ensemble. Et t'avais déjà dérapé un peu avant ou c'est vraiment la première fois? Non, c'est la première fois. Ok, bon, c'est important à préciser. Donc là, tu es ok pour l'appeler et lui annoncer ça, mais il va être hystérique, hein. Je te le dis direct. Je sais pas, franchement je sais pas. Parce qu'en plus... Parce que j'ai envie d'être honnête et on s'est toujours dit qu'on se dirait tout, mais je sais pas comment il va réagir. Sur l'échelle de la tromperie, moi, je mets le bisou, bon, un petit bisou, ok. Ensuite, t'as la pipe, hein, c'est quand même la bouche sur le sexe d'un autre mec. Surtout pour un mec, en fait. Un mec, c'est difficile à admettre de dire, putain, mais t'as sucé un mec. Peut-être qu'il va être un peu violent, peut-être qu'il va, enfin, dans ses propos, tu vois, il va peut-être un peu t'insulter, quoi. On l'appelle. Je crois que l'important, c'est de miser sur tes sentiments et sur tout ce qu'il y a de votre histoire à côté. Est-ce que tout réside dans cette pipe-là? Voilà. Et donne pas de détails, hein, sur la pipe. Oui. Garde ça pour toi. Allez, c'est parti, on appelle Fred. Et nous, on va revenir dans un quart d'heure. Hein. Bonne soirée. Droit, hein. Bonne soirée, à tout de suite. On va être tout cœur avec toi, Alban, bon courage. Merci. Allô? Oui, Dédé? Mon cher, allô, ouais, c'est toi? Oui, c'est moi, ça va? Ouais, mais pourquoi tu m'appelles en masqué? En fait, c'est mon téléphone, il a un problème. Ça appelle en masqué, je sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord, ok, pas de soucis. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, je suis devant la télé, là. Je te dérange pas? Non, du tout, non, dis-moi. Écoute, tu sais, on s'est toujours dit, que on se dirait tout, et qu'on se dit toujours tout, et bien voilà, sûr. Et... il faut que je te, bah, du coup, par rapport à ça, il faut vraiment que je te parle. En fait, tu sais, samedi, je suis sortie avec les copines. Ouais. Et on a fait la soirée et tout ça. Enfin, voilà, je t'ai dit que ça s'était bien passé et tout. Mm-hmm. Sauf que, bah, depuis, je suis un peu stressée, je suis un peu mal à l'aise parce que, voilà, j'ai fait quelque chose et je sais pas, voilà, je sais pas comment tu vas réagir et, voilà, j'ai vraiment peur de ta réaction et, je veux pas que tu t'énerves, je veux pas, enfin, voilà, bah, en fait, j'ai plus ou moins rencontré quelqu'un dans cette soirée-là et j'avais De quoi, j'ai pas compris quoi? Bah, en fait, j'ai bu dans cette soirée et j'ai pas mal bu et j'ai parlé avec des gens. Mes copines, elles avaient leurs collègues qui étaient là. Et en fait, en gros, c'est parti un petit peu. J'ai fait n'importe quoi, en fait. Non, mais vas-y, faut que je t'explique là. Bah, en gros, je me suis retrouvée avec un gars et en gros, je l'ai sucé. T'as quoi? J'ai rien fait, tu vois. J'ai rien fait, il m'a pas touché. Avec le mec, lui. Tu lui tailles une pipe et tu dis t'as rien fait, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah ouais, mais voilà, on s'est toujours dit qu'on serait honnête, donc. Non, je vais te péter, je vais te défoncer. Je te jure, rentre pas à la maison, je vais te défoncer. Que je te vois pas, je te casse la tête. Je te casse la tête, la vie de ma mère qui est une grosse chienne. Tu me parles comment là? Quoi? Non, il n'y a pas de. Tu me parles comment? T'es une chienne, c'est tout. Tu te retrouves à sucer des mecs. Et le seul prétexte que tu trouves à me dire, c'est parce que t'as bu de l'alcool, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Bah, en même temps, je sais pas, on s'est dit qu'on se disait tout et que. Non, mais il n'y avait pas de. Il n'y a pas de. Non, mais tu peux tout dire. Mais bah, on arrive à sucer un mec et tu me dis quoi? Tu me dis ouais, t'as rien fait? Tu te fous de moi? Bah, je t'ai pas dit non plus que j'avais rien fait. Enfin, je suis honnête. Je t'appelle, je te parle, voilà. Ouais, non, mais ok. Mais attends, mais moi, je t'appelle demain, je t'ai dit, ouais, j'ai tapé un cunier à une meuf où je me suis fait tailler une pipe. Tu le prends comment? Hein? Bah, écoute, quoi, j'ai un bâtard, mais toi, dire que. T'es une chienne, tu formes comme ça que. En même temps, tu vois, si tu t'occupais un petit peu plus de moi, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Tu te fous de ma gueule? T'es là, tu non, je ne suis pas ta gueule. Attends, tu me traites de chienne. Je suis en train de te dire que je suis désolée, que j'ai fait une erreur, que je veux t'en parler parce que voilà, j'ai pas envie qu'on gâche tout ça pour une erreur de ma part. Et t'as non, mais c'est une erreur. Bah oui, c'est une erreur, ça c'est clair. Mais attends, je suis en train de rêver. Je rêve, c'est un truc de malade. Non mais. Ah non, écoute, je suis en train de rêver, pas, c'est voilà, pas possible. C'est comme ça, Non mais. Je suis désolée, écoute, je suis désolée. Je vais te casser la gueule, je te jure que je te revois pas, je vais te casser la gueule. Non mais. Mais pourquoi tu parles comme ça, sans déconner? Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que moi je t'ai fait des menaces comme ça, à te dire des trucs dans le genre? Non, mais moi je me suis pas retrouvé à me faire sucer par une meuf, tu vois. C'est toute la différence. Ah mais qu'est-ce que j'en fais? Si ça se trouve, peut-être que, en fin de compte, moi j'ai toujours été honnête, j'ai toujours respecté en te disant que je serai honnête. Je tiens ma parole en te disant que je te dirai toujours tout. Mais si ça se trouve, en fait, toi, ça t'arrange bien et tu m'as jamais rien dit non plus. Non, il y a pas de ça m'arrange bien. Tu crois que je réagis comme ça? Pourquoi? Tu crois que je réagis comme ça? Pourquoi? Donc là, en fait, pour toi, je t'ai trompé, là, en fait, en gros. Bah ouais, tu m'as trompé, mais carrément, quoi. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Alors, Alban, on va prendre la main. Bonsoir, Fred. C'est qui? Salut. Alors, moi, je m'appelle Karel. T'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Qu'est-ce que tu fous à la radio? Alors, je vais t'expliquer. Il y a Doc qui est là, qui est médecin, salut. Qui est sexologue. C'est son métier. Et Alice également. Salut. Présente. Voilà, toute l'équipe de Love in Fun. Et Alban, ce soir, nous a appelé dans l'émission pour nous raconter ce week-end. Là. On va t'expliquer. De toute façon, je pense que t'as déjà à peu près tout compris. Non, mais déjà, qu'est-ce que je fous sur la radio? Pourquoi ça se passe là à la radio? C'est un foutage de gueule, c'est incroyable. Bah, alors, c'est anonyme. Hein, on sait pas où t'habites, on sait pas qui t'es. Rassure-toi. Déjà, c'est juste une voix téléphone, rien d'autre. Et tu te retrouves en direct sur Fun Radio parce que Alban ne savait pas trop comment faire suite à ce qui s'est passé. Déjà, elle nous a appelé, nous a expliqué la situation, qu'elle était très embêtée parce qu'elle avait beaucoup bu. Après, on ne sait pas si c'est pardonnable ou pas pardonnable. On en a parlé. Est-ce que ça s'est trompé? C'est pas possible. Et on comprend tout à fait ta réaction. Et moi, j'aurais réagi, mais exactement comme toi. Maintenant, effectivement, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette émission et même au-delà de la réaction que tu peux avoir parce que là c'est tout chaud, c'est tout frais. Bien sûr. On se pose la question de savoir si Alban t'aime et a juste pas fait une connerie. C'est juste ça en fait qu'on se demande ce soir. C'est pas possible. Alors vous êtes nombreux d'ailleurs, on va lire vos réactions parce que vous êtes nombreux là en ce moment sur le Facebook Live. Si vous souhaitez commenter, nous dire un petit peu ce que vous en pensez, on va lire vos messages à l'antenne. Il y a beaucoup de messages pour Fred, pour le soutenir, ça c'est évident. Oui Fred, c'est tout à fait normal ce que tu vis, bien évidemment là c'est totalement épidermique et chaud. Mais il y a quand même une chose, c'est que Alban, elle est consciente de sa connerie, elle l'a faite, bon ça on est d'accord, hein, elle l'a faite. L'alcool n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Simplement. C'est pas une excuse du tout, non. Non, c'est pas une excuse. C'est juste une explication à un moment donné. Voilà, il se passe quelque chose. On est tous des êtres humains. On est tous capables de faiblesse. Elle a chuté. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, à cause de ça, alors que elle se sent mal de cette connerie, que elle sait pas comment en parler, donc elle est venue nous chercher, que elle est totalement franche et elle a dit, je dirai tout à mon mec et je veux le lui dire. C'est elle qui a dit. Je veux le lui dire, quoi qu'il arrive. Et est-ce que, pour autant, on doit briser un couple pour ça? C'est toute la question. Elle est venue avec sa franchise, avec sa détresse, avec ses problèmes, en disant, ben voilà, moi je veux en parler, c'est trop lourd pour moi, je veux être franche et être sincère. Oui, j'ai fait une connerie, et elle le reconnaît, il n'y a aucun souci à ça, elle n'essaye pas de se défaire de sa connerie, mais de voir avec toi si, est-ce que vous pouvez pas rebondir de ça? Elle a été franche, elle a été honnête au moins. Ouais, non, mais ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est pas possible. Moi, je dis pas qu'une meuf qui se retrouve un peu à pomper des mecs, là, comme ça. Après, moi, je fais quoi? Quand je suis là en train d'embrasser, je pense à la bite qui est rentrée dans sa bouche, quoi. C'est pas possible. Ouais, non, mais bien sûr. C'est sûr que tu peux voir les choses comme ça, et surtout là maintenant. Et est-ce que. Est-ce que tu pourras pardonner ça à Alice? Ton sentiment là-dessus, toi? Ah, écoute, franchement, je me mets à ta place. Fred, je comprends vraiment ta réaction et je sais pas si je réussirai aussi à pardonner. Après, on a parlé avec Alban qui vraiment a vécu ça comme un vrai dérapage, tu vois. Donc, part du principe. Rien à branler, quoi. Je sais bien, mais raccroche-toi aussi au fait qu'elle aurait très bien pu ne jamais t'en parler. Oui. Tu vois? Ouais. Là, elle s'est dit, je vais lui en parler parce que je l'aime, parce que je tiens à lui, parce qu'on s'est dit qu'on se dirait toujours tout. Donc, t'as aussi quand même ce truc-là avec elle où tu te dis, bah, quoi qu'il arrive, elle me le dira. Alors, certes, ça n'excuse pas du tout ce qu'elle a fait. Tant mieux. Non mais certes, ça n'excuse pas ce qui s'est passé et on comprend vraiment ta réaction. Franchement, moi je serais totalement effondrée, je serais choquée et je comprends vraiment que tu puisses réagir comme ça. Mais je pense que là tu réagis aussi à chaud. Des personnes qui restent ensemble même après infidélité, il y en a plein. Donc il faut prendre le temps, parler avec elle et surtout quantifier aussi vos sentiments. Si vous aimez, ça serait trop bête. Ouais, mais bon là, dans ma tête là pour l'instant c'est pas possible quoi. Alban, prenez votre temps. Alban, est-ce que tu veux rajouter un truc? Ce soir déjà il y a l'annonce de la nouvelle, bon, et le temps de digérer, etc. Ça va prendre aussi un petit peu de temps. C'est déjà qu'on va rappeler Alban pour prendre des nouvelles à bientôt. C'est quoi la suite? Vous allez vous expliquer là tous les deux? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que vous parliez. C'est sûr. Ah, il va falloir parler là. Ouais, les yeux dans les yeux, il va falloir se parler là parce que ça va pas. Hein. Ça va pas. Moi je me retrouve pas à baiser des meufs ou faire sucer par une bouse, quoi. C'est pas possible. Non mais. Bébé, c'est ma démarche aussi. C'est pour ça que je t'appelle. C'est pour ça que. Non, mais il n'y a même pas de bébé. Il voilà, n'y a même pas de bébé là. Il n'y a même pas envie d'entendre ça. Quoi. Tu oses m'appeler bébé. Des avis, c'est pour que quelqu'un. Voilà, qu'on puisse m'aider. Voilà, je sais que j'ai dérapé. Je l'assume. Je ne vais pas le cacher. Je t'ai toujours dit que je te dirais tout. Voilà, j'aurais pu faire celle qui ne dit rien et qui continue sa vie et tu n'entendrais rien su. Jamais. Personne ne t'aurait parlé. Ouais. Ouais, je serais voilà, moi je suis pour toi, honnête avec toi. J'ai toujours dit que je serais honnête, donc voilà, je suis honnête. Alban. Et je suis désolée. Et moi, je pensais pas que tu ferais des propos comme ça non plus. Ah, moi, Alban, je veux pas d'excuses ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit. Là. Alors, et franchement, Alban, que Fred réagisse comme ça et t'insulte. Hein, parce que c'est ce qu'il a fait. Et est-ce qu'on peut aussi le comprendre parce que c'est l'énervement? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Oui, vous avez forcément des choses à vous dire. Et ça va rester en dehors de la radio. Je pense que c'est bien que vous parliez aussi tous les deux et qu'il n'y ait pas forcément tout le monde qui écoute. À l'antenne déjà. On rappellera Alban et peut-être même tout à l'heure dans la soirée pour avoir un petit peu des nouvelles. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est vous laisser un petit peu en antenne pour que vous puissiez discuter. Et on espère que vous allez trouver une solution tous les deux parce que à la base, vous êtes tous les deux amoureux et Alban est encore amoureuse de toi. Donc c'est ça aussi qui compte le plus. Après, oui, il y a eu une connerie. Alban, on te repasse Fred en antenne. D'accord, merci Fred en tout cas d'avoir répondu et d'être resté avec nous pour en parler. On te repasse Alban au téléphone, d'accord? Ça marche, merci bien beaucoup. Il faut toujours prendre le temps de digérer ces choses, hein, c'est long. Bien sûr, Doc. Bien sûr, d'ailleurs, on parlera de ta voisine avec qui j'ai eu quelques rapports sexuels ce week-end, Doc. Et je sais que tu avais des vues sur elle. Et elle m'en a parlé. Elle m'a dit, il arrête pas de gratter à ma porte tous les soirs. Je suis un peu embêté. Bon, il est médecin, il a un petit peu d'argent. Est-ce que c'est un bon parti? Elle me dit, mais moi, je fais de la radio, j'en ai un petit peu moins. Bon, bref. Alors, on va... je raconte n'importe quoi. Et est-ce que... ah oui, ça y est. Ah oui. Eh oui, ça y est, on m'a apporté une feuille. Aujourd'hui, je suis en roue libre. Est-ce qu'il y a des vidéos porno qui vous ont marqué, Alice ? Oui, en fait, on a reçu un message de Noémie. Elle a été particulièrement choquée parce qu'elle est tombée sur une vidéo porno d'une femme en fait, qui se faisait éjaculer dessus sur le visage par 5 personnes en même temps. Wow. Elle n'avait jamais trop regardé de vidéos porno. Et depuis, voilà, c'est un truc vachement marquant qui lui reste en tête. Donc, on va parler des images ou des vidéos porno qui vous ont un peu choquée étant plus jeune. Ah bah, tu m'étonnes. De toute façon... Des noms tout ça. Boukake. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'une golden shower? Un boukake. On vous en parle sur Fun Radio. Et dites-nous la première fois que vous avez vu une vidéo porno et ça vous a choqué quoi. C'est vrai que quand tu connais rien finalement, il y a plein de trucs direct qui sont choquants. Hein. On vous parlera aussi des seins de Méloche qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Restez bien avec nous. On vous parle de tout tous les soirs sur Fun Radio. Et voici Martin Garrix et High on Life sur Fun. Kill the demons of my mind. Ever since you came around, we a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. Martin Garrix sur Fun Radio. 02-42-48-5000 22h minuit. Sur Fun Radio. Au Catabo, dans cette émission, on se dit tout. On se dit les choses franchement. Hein. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à poser. Vous voulez venir témoigner, nous raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Le numéro, il est gratuit. 01-42-48-5000. On va parler des vidéos porno qui nous ont choqués quand on était plus jeunes. J'en profite pour dire que moi, j'ai vu une photo qui m'a choqué aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr, il y a Méloche du Standard. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais parti me chercher un petit café. Et quand je rentre, je vois Méloche du Standard en train de montrer une photo de ses anciens seins à Alice. Alors là, je vois le truc de loin et tout. Tout de suite, ma première réaction, c'est vas-y, fais voir. Hein, parce que bon, j'ai envie de voir moi aussi. Et là, je vois les seins de Méloche avant son généreuse opération. Parce que c'est ça, Méloche. T'as fait une opération de chirurgie esthétique au niveau mammaire. Réparatrice, même, ça s'appelle. C'est même pas esthétique. T'avais des trop gros seins, en fait, c'est ça? Bah, trop gros, et c'était ça coulait vers le bas, quoi. Ça coulait. C'était dégueulasse. Vous ça avez caché le nombril, quoi. Alors, on a vu. Alors moi, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, j'ai une petite érection. Non, mais bien sûr. Alors, moi, je vois ça. Enfin, voilà, il y en avait pour tout le monde. Hein. Et alors, c'est vrai que on n'a pas vu la photo après. Non, ça c'est confidentiel pour le moment, mais on peut reparler, Karel. Mais elle est comme ça, elle partage. Moi, je les ai vus, ces boobs. Hein. Ouais, donc, c'est quand même une belle émission, la vie. Hein, bien c'est sûr. Du partage. Totalement. On va accueillir Sébastien, 25 ans de Dax, là maintenant, qui vient pour nous raconter la vidéo porno qui l'a choqué quand il était plus jeune. C'est quelque chose qu'on a lancé sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, on a reçu un message de Noémie qui, elle, est tombée sur une vidéo porno d'une femme qui se faisait éjaculer sur le visage par 5 personnes. Sauf qu'elle n'avait jamais spécialement regardé de vidéo, donc elle a été un peu choquée. Et du coup, c'est un peu marquant pour elle, quoi. Donc elle y repense et c'est la vidéo qui l'a choquée. Sûr, alors Doc nous a dit, parce que c'est un professionnel et qu'il connaît bien, hein, il nous a dit que c'était un bukkake. Oui, c'est ça, une pratique japonaise. Et d'ailleurs, il faudra qu'on le mette dans l'examen, ça. Épelé bukkake. Ah, je pense qu'on aura très mauvaise réponse. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, salut, c'est l'équipe, comment ça va? Salut. Ça va bien, Sébastien. Il y a des vidéos, et tous dans l'équipe, hein, des vidéos porno qui nous ont marqué quand on était plus jeune. C'est laquelle, ouais, la tienne, toi? Alors moi, c'était celle de Claire Morgan dans le jacuzzi avec son mec il y a une petite dizaine d'années. D'accord, ok. Ah, mais je crois que je l'ai vue, celle-là. Et elle fait vachement de bruit, hein, pour le coup. Hein. Elle fait vachement de bruit, mais c'est la façon dont elle a été vue qui est un peu plus marquante. Ah, c'est-à-dire bien dans le téléphone pour qu'on t'entende bien, Sébastien. Vous entendez bien là, c'est bon? Vas-y, vas-y. Du coup, en fait, c'était petite soirée champêtre en famille, un bon dimanche. Ouais. Donc j'étais avec mes cousins et puis mon cousin prend un téléphone, mais vous savez, c'était à 10 ans, donc ces petits téléphones avec les petits écrans, on voit pas grand chose dessus. Je pense que c'est les premiers téléphones avec la vidéo dessus. Ouais, ouais. Et là, il me montre une vidéo, mais moi, je connaissais pas, j'étais encore jeune et innocent à cette époque. Et je vois cette vidéo de Clara Morgan avec son cri bien mythique qu'on connaît tous, en famille. Voilà Clara enregistrée cette nuit même à Los Angeles. C'est exactement ça. Et voilà, donc 3 sur un écran grand comme 2 doigts. Et ouais. Sympa. Ah ouais, putain, les mecs et tout. Ah non, mais c'est génial. Genre le tout petit écran, mais vous en ratez pas une miette. À 10 ans, quoi, c'est jeune. Ça, exactement. Ah ouais, non, t'étais jeune de ouf. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, tu t'es dit quoi après? Parce que c'est bizarre, non? Bon, en fait, j'ai du mal à me souvenir si c'était ma première vidéo, mais c'est celle qui m'a marqué le plus en premier. Mais bon, du coup, j'en garde un bon souvenir maintenant. Ah bah oui, d'accord. Et depuis, il a tous les DVD de Clara Morgan. Ah bah oui. Et tous les calendriers. Il n'en rate pas un seul. Et on peut le comprendre, Sébastien. Il y a aussi Thomas qui veut réagir. On demandera à Baptiste, notre auditeur du soir. Mais d'abord, on va accueillir Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, l'équipe. Salut à tous. Salut. Salut. Alors, Alexandre nous appelle de la Lorraine. On est chez Alice. On est du côté de Metz. Tu connais Alice? Non. C'est comme quand t'es moi je suis en Bretagne et tout, et il y a toujours mes potes qui me disent: ah putain, mais je connais un mec qui habite à Paris, tu connais Brian? Non. Et alors Alexandre, toi tu ne connais pas Alice, mais il y a une vidéo porno qui t'a marqué, toi. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Vas-y, raconte. Donc c'est un pote, parce que lui sur Facebook on fait plein de conneries en Messenger. Ouais. Et il m'a envoyé un lien, il m'a dit: tiens, regarde, je suis sûr que tu connais. Et du coup je suis cliqué, curieux. Et c'était une femme de mon village. Une femme de ton village? Elle faisait quoi? Ouais. Ah, c'était, elle a participé à une vidéo de Jackie Michel? Non, c'était la France à Paul, là. C'était là? Faut que tu parles plus fort, Alexandre, on entend rien. La France à poil. La France à poil. Mais c'est un site internet, c'est ça? Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai cliqué dessus et il s'avère que c'est la mère, une mère de famille dans le village, quoi. Ah putain, c'est chaud. Oh là là, quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est clair que tu vois la vidéo différemment. Bah, surtout qu'après, je l'envoyais tous les jours à l'école, du coup, et c'était chaud, quoi. Ah ouais, et tu l'as vu, alors qu'est-ce qui se passait dans cette vidéo? Ouais, elle faisait quoi? Ah, elle faisait tout, la totale. Ah, t'as été surpris? Et puis l'intitulé, c'était première sodomie en plus, donc Ah, première sodomie pour l'intitulé. Ah, elle c'est la boulangère, oh, c'est ça, non? Non, non, même pas. D'accord. Non, parce que tu sais qu'on a eu le témoignage d'une fille qui avait participé à une vidéo Jackie et Michel, hein, c'était dans l'émission il y a pas longtemps, et qui nous avait raconté l'après Jackie et Michel, c'est-à-dire que elle a été virée de son entreprise parce que le patron, enfin tout le monde finit par voir la vidéo. C'est ça. Et puis derrière, elle se faisait insulter, enfin. Et puis franchement, les gens qui font ça, ils te virent, mais alors qu'ils ont été assez cons pour aller mater la vidéo. Donc si t'es public de ce genre de vidéo, je vois pas en quoi tu peux te permettre de juger, quoi, en fait. Hein. Oui, évidemment. Tu deviens le bouc émissaire. C'est ça. Doc, c'est normal d'être choqué quand on est jeune, quand on voit des vidéos comme ça, quand on est... Quand on entend un gamin de 10 ans qui voit sa première vidéo, être choqué. Après, c'est l'importance ça a pour lui et comment est-ce que ça peut le construire derrière. Bon, voilà, il l'a vu. Bon, a priori, ça a pas l'air de l'avoir traumatisé non plus. Je ne sais pas comment est sa vie sexuelle aujourd'hui. Ah, tout va bien, Alexandre? Tranquillement. Ouais, ça va, on fait aller, hein, bien sûr. Mais bien sûr. Disons qu'à cet âge-là, tu peux prendre ça comme référence. C'est déjà un des soucis, on le sait, dans la sexualité aujourd'hui des jeunes. C'est qu'effectivement, il y en a beaucoup qui prennent ça comme une référence. Ça va être le modèle. Et donc, plus tu la vois jeune, et plus ça peut être ta référence. Ouais, alors, c'est pas le cas. Oui, Alexandre, tu voulais dire? Et du coup, il y a une suite parce que du coup, l'acteur qui a fait la vidéo avec elle, en ce moment, on le voit souvent dans le bistrot où on va les soirs. Ah oui? Ah bah d'accord. Et du coup, dans le pain, à chaque fois qu'on le voit, qu'on a tout dans le nez, on se fait chier avec ça, on lui reparle et tout, et forcément, ça ne l'aimait pas, quoi. Ah, ouais, ça vous fait les bonnes soirées, quoi. Hein, bonne soirée au bistrot. Bonne soirée au bistrot. La France à poil. Hein, vous restez avec nous, les amis, il y a encore plein de réactions. Oui. On lira aussi vos messages sur les réseaux sociaux. On demandera l'avis aussi de Baptiste, notre auditeur du soir. Moi, je vous raconterai la première vidéo qui m'a marqué aussi. C'était... génial. Restez avec nous, on va revenir avec David Guetta et Anne-Marie. Ils seront là en direct, hein, sur Fun Radio. Salut David, c'est à toi. Hello Han, welcome. A tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Le petit dernier de chez Apple vient tout juste d'arriver. Taille 15 cm. Poids 177 grammes. Prix quoi? Hein? Pour gagner le nouvel iPhone XS, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec deux tubes de Martin Garrix mixés à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Deux sons de Martin Garrix à la suite, c'est gagné! C'est le double fun on Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Wow. Vous savez, en tant que chat, je suis très sensible aux changements de température. Cela dit, depuis qu'ils ont isolé la maison avec de la laine de verre isovert, je dois reconnaître que je me sens au poil. L'isolation thermique, c'est miaunifique. Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre isovert et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isovert, expert français de l'isolation. Isovert, une marque du groupe Saint-Gobain. Eric, c'est toi? Hé, hey, Julie! Tu vas bien? Ouais, je vais à l'aéroport, là, j'ai un avion dans 2 heures. Oh, c'est dommage, on aurait pu prendre un verre. Ah, bah, avec plaisir. Mais t'as pas un avion dans 2 heures? Oui, enfin, je voulais dire demain soir. Avec EasyJet, il est possible de changer l'horaire du départ jusqu'à 2 heures avant le décollage. Et ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Restez connectés avec la famille Fun Radio. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. Merci, merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs. Je salue tous les habitués l'année dernière du 20h-22h qui sont là maintenant dorénavant de 22h à minuit. Car oui, Love in Fun a changé d'horaire. Love in Fun, c'est 22h minuit tous les soirs. Du dimanche au jeudi, on est là pour répondre à vos questions, pour être avec vous, pour parler de la vie avec vous tous les soirs. Il y a un numéro de téléphone, il y a des réseaux sociaux, bien sûr. Facebook, Love in Fun, le YouTube, la chaîne YouTube de Love in Fun, où vous retrouvez justement des séquences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est filmé, nous, non-stop, donc on peut vous mettre régulièrement des vidéos sur YouTube. On est filmé non-stop sur le site de Fun, funradio.fr. On fait tout en direct. Et depuis quelques minutes, avant d'ailleurs d'accueillir Georges, tout à l'heure, Georges dont on donnera des nouvelles, Georges qui cherche l'amour et qui galère depuis plusieurs années et on a décidé de s'en occuper cette année. On aura des nouvelles de lui. On va tout de suite accueillir Thomas, 23 ans de Soissons. Bonsoir Thomas. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Thomas. Alors on est en train de parler depuis quelques minutes des vidéos. La première vidéo quand on est jeune, porno, qui choque forcément puisque c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça et qu'on se dit putain merde, comment c'est possible de faire ça, hein Thomas, ça te rappelle des souvenirs? Des mauvais souvenirs surtout. Des mauvais souvenirs. Toi ça t'a pas bien marqué dans le bon sens, hein? Bah non, pas trop, non, parce que après la vidéo elle est assez connue, je pense, par tout le monde. C'est laquelle? Two Girls One Cup. Oh non, oh là là, putain, quelle horreur cette Two vidéo. Two Girls One Cup. Tu connais Doc ou pas cette vidéo? Celle-là, non. Vous voulez que. Non, mais vas-y, raconte-nous ce qu'il y a sur cette vidéo. C'est horrible. Vas-y, c'est quoi la vidéo, Thomas? Bah, disons que c'est une vidéo un petit peu spéciale pour certains genres de gens. C'est une vidéo scatophile, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. C'est deux femmes donc qui font l'amour dans la merde, quoi. Non, alors c'est Two Girls One Cup, ça porte bien son nom. Il y a deux filles et une petite coupe, hein. Tu sais, comme un petit cornet de glace, tu vois. C'est ça. Sauf que là, c'est pas de la glace, c'est du caca et chie dedans le truc. Oui, en gros, t'en vois une qui se soulage dans une coupe, comme une coupe de glace, et après l'autre la déguste. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que c'est la texture du caca, on dirait de la mousse au chocolat. Mais à mon avis, c'est ça. Enfin, ça me paraît trop gros. Ils ont dû faire un truc avec de la mousse au chocolat. Et puis, franchement, tu peux pas manger comme ça en étant contente de la merde, quoi. Ah, il y a un moment, faut pas se foutre de notre gueule. Moi, je pense que cette vidéo, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps. Ah, mais grave. Non, mais ça se trouve, c'est juste de la mousse au chocolat. Nous aussi, on peut en faire une, hein, des vidéos comme ça. Une vidéo scato qui va faire des millions de vues. Ok, on fait ça. Non, parce que la scatophilie, ça existe. Hein. D'ailleurs, oui, Doc, qu'est-ce que la scatophilie? C'est le fait d'aimer les excréments du côté anal. Tout à fait. Sinon, il y a l'urophilie aussi. Ouais, voilà. Et là, c'est le pipi. Donc là, sérieux, Thomas, c'est la première vidéo sur laquelle t'es tombé, toi? Bah, parce qu'on est en soirée avec des potes et tout, et avec de l'alcool, bah voilà, puis j'étais jeune et tout. Et on se matait quelques vidéos, et de fil en aiguille, on est tombé sur cette vidéo-là, et disons que ça marche, quoi. T'avais quel âge? J'avais, je crois que je devais avoir 14-15 ans par là. Et c'était la première vidéo porno que tu voyais, ou t'en avais vu d'autres avant? Non, j'en avais vu d'autres un petit peu avant, mais la première qui m'a marqué, franchement, c'est celle-ci. Ah bah oui. Je comprends, oui. C'est hyper chaud, de toute façon, c'est dégueulasse. Alors après, ouais, ça peut faire effraction si par exemple dans le psychisme, à partir du moment où t'as pas eu envie de la regarder. Là, a priori, t'étais avec des potes, voilà. Tu te faisais un petit peu à l'idée de ce que t'allais voir, qu'elle allait être un peu trash. Bon, pas jusqu'à ce point, je me doute. Mais bon, heureusement, ça fait pas traumatisme dans ces circonstances-là. Hein. Mais quelqu'un qui ne souhaite pas le voir et qui voit un truc comme ça, ça peut être un traumatisme psychique. Donc, tu n'as pas peur de faire caca maintenant, tout va bien. Non, ça va. Très bien, et bien. Il mange plus de glace, peut-être. C'est ça. Il a arrêté la glace. Il a arrêté la glace au chocolat, bien sûr. Alors, Thomas, tu restes avec nous. On a demandé aussi à Baptiste, avant de faire un petit tour de table de l'équipe des vidéos qui vous ont choqué. Baptiste? Oui, dis-moi. Oui, dis-moi. Dis-toi, Baptiste. Il y a des vidéos qui t'ont choqué, toi? Ouais, il y en a surtout une, c'était la poutre de Bamako. La poutre de Bamako. Alors What is it? En fait, si tu veux, sur Internet, je mettais vidéo de cul black, quoi. Et je tombais sur cette vidéo-là. Ouais. C'est un mec, en fait, qui a une bite qui est aussi longue que mon bras, limite. Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est un effet spécial. Je pense pas, parce que vu comment il la tenait à deux mains, et je sais même pas comment il pouvait faire, quoi. Il assomme des gens avec, j'imagine. Oui, non, mais alors, je t'assure, hein, ça, c'est je l'ai vu, la vidéo. Bah alors, il se passe quoi dans cette vidéo? Elle est jusqu'au bout. On en est resté juste un mec avec une grosse teub à deux mains. Le mec, il a une bite, mais énorme. On a dit que le recordman de la bite la plus longue, elle faisait 46 cm. Non, ce qui est 34 cm. Ah, et c'est recensé, parce qu'on avait eu à Saint-Antenne quelqu'un qui nous avait appelé en nous disant, non, c'est pas vrai, la mienne fait 35 cm. Mais je l'ai jamais dit à personne. Recensé. Sauf que là, la poutre de Bamako, elle fait au moins 50 cm, Baptiste, on est d'accord? Oui. Ouais, mais bon, je savais pas trop, quoi. Quand t'es jeune, tu regardes ça, tu te dis putain, la vache, quoi. Ah, bah là, tu quoi? Ah, bah tu complexes, hein. Tu te dis putain, là, merde, ma bite. C'est pas la même, quoi. je pensais qu'il allait tuer la meuf, mais ça, c'est surtout la fin, quoi. La meuf, elle se prend une douche au sperme, quoi. Dis donc. Ah, bah ça, c'était une sacrée vidéo. Non, mais c'est vrai, et on peut en parler de ça aussi. C'est tous les mecs, là. Il y en a plein qui nous écoutent. Moi, j'étais comme ça et tout. Genre, je regardais des vidéos porno, et je me disais, putain, ils ont des bites énormes, les mecs. Moi, je regardais ma petite bite à côté, tu vois. Et ça fout des complexes, le truc. Ça ne fait que renforcer, évidemment, tous les complexes que les garçons ont quand ils sont jeunes, à se dire, oh, la mienne, elle est toute petite. Voilà, alors qu'il n'y a pas besoin. Bah, bien sûr, et puis après, ça grandit, et puis après, tu te dis, oh, finalement, ils ont des petites bites. Elle est pas si mal, quoi. Exactement, Baptiste. Alors, Alice, est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a choqué, toi? Oui, je vous en avais déjà parlé, un truc qui m'avait vraiment choqué. Je me rappelle, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien Betty Boop, et j'avais une petite trousse Betty Boop. Je sais pas si vous voyez, c'était un dessin animé, une petite pin-up, machin et tout. Et j'étais tombée sur un gif où Betty Boop était en train de se mettre des gros wads. Et genre, non, mais c'était hyper choquant. Genre, il y avait Betty Boop, elle était en train de se toucher le clito, comme ça, après, elle se mettait des doigts, et puis il y avait des petites giclées de mouille, quoi. Oh, et choquant de ouf! Et alors que Betty Boop, c'était mon stylo plume, quoi. Enfin, carrément, carrément, il y a des vidéos comme ça, tu sais, ils font beaucoup ça au Japon, c'est les hentai, où en fait, tu vois tu vois Son Goku, par exemple, qui fait une grosse levrette en super guerrier à sa femme, mais quoi, oui, tu mais vois. C'est chaud. Et, ou même Vegeta qui nique Bulma, quoi, tu vois. Ah oui, une fois, j'avais vu comme ça un hentai, comme tu dis, avec un espèce de poulpe géant, avec plein de bites à la place de toutes ses tentacules. Ah, c'est souvent des extraterrestres, mais et c'est tout, chaud. Oh, ouais. Ah, Doc, il connaît bien, c'est sa catégorie préférée. Les hentai. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, alors, Kassim, une vidéo qui t'a choqué, toi? Ouais, moi, c'était une vidéo d'une vieille qui se faisait prendre par le cul par deux mecs. Et franchement, il est rentré dedans comme si c'était une pâte à proutes, quoi. Tu vois, c'était... Ça m'a choqué. Ok. Et Coco, du standard. Ouais, moi c'était une vidéo, c'était sur un tatami. Il y avait un mec qui tenait sa verge. Non, mais attends, c'est vrai. Il y avait un mec qui tenait sa verge. Sur le dojo. C'était ça, il y avait un mec qui tenait sa verge dans la main et une meuf qui était en train de taper dans ses couilles. Ah, putain! c'est tout de suite j'ai pensé aux miennes. C'est... Ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Moi j'avais vu une vidéo comme ça d'une nana qui avait des talons et qui écrasait les couilles de son mec. Ah, oh, c'est horrible. Ah, c'est chaud. Méloche du standard, t'as vu une vidéo qui t'a choqué quand t'étais plus jeune, toi? Ouais, moi j'avais vu une vidéo. Tu sais, c'était une grosse. Enfin, il y avait un mec, il était allongé sur le sol et il y avait une grosse à lui. Sauter comme ça sur le, avec son cul. Et sur le mec sa tête. Est mort. Mais vous avez dû la voir, cette vidéo, elle tournait partout, elle était trop drôle. Bah, voilà. Ok, bah voilà. Méloche, elle dit les choses franchement. Elle a dit que c'était une grosse. Voilà. Doc, peut-être toi aussi, t'as vu une vidéo qui t'a choqué Non, j'en ai vu beaucoup. J'en ai tourné quelques-unes qui m'ont choqué. Okay, il en faut beaucoup. Bien sûr, moi, la vidéo dont je me souviens, c'est horrible. J'étais tombé là-dessus, c'était une vidéo de head fucking. Donc le mec rentrait sa tête dans le vagin de la nana. Mais c'est horrible. Et ça m'a juste choqué de ouf, quoi. Mais il y en a une autre très choquante qu'on a vue tous ensemble dans le bureau à l'époque où c'était une nana qui arrivait à sortir à peu près 12 ballons de ses fesses. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'était horrible. Ouais. Une nana qui arrivait à mettre des petites balles, je sais pas, d'une grosseur quand même, genre un bon melon, quoi. Ouais. Et puis elle, d'un coup, tu vois son anus et paf, elle t'en sort une, deux, trois, quatre. Et puis tu dis, mais c'est pas possible, elle a un stock de ouf là-dedans. Bien quoi. Sûr. Mais non, si, ça y est, je m'en souviens d'une. Tiens Doc, as-tu regardé tes vidéos Je suis tombé dessus, j'ai zappé et j'ai arrêté tout de suite. Bravo, non, c'était Doc. Une femme avec un cheval. Oh non, mais Doc. Qui tue tout, tu sais. J'ai vu une vidéo, c'était de la zoophilie. Non, mais c'est horrible, il y a des vidéos comme ça avec des gens qui meurent et tout. Non, mais c'est horrible. C'est atroce. Très bien. Il est temps de. On va trop loin. On enchaîne. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux d'abord. Oui, il y a Jen qui dit que c'était une version porno de Cyrano de Bergerac avec un mec qui avait une teub à la place du nez. Nico, j'ai vu une vidéo de mes parents, ça m'a suffi amplement et ça m'a marqué. Ça me marque encore aujourd'hui. Et Julien, un pote m'a envoyé un lien et je savais pas qu'un poulpe mort pouvait rentrer entièrement dans un vagin. Oh putain, c'est horrible. Là, c'est des trucs horrible. Horrible. Sans déconner, préservez-vous de ces conneries. Oh là là. Clairement, on va accueillir Georges. D'abord, je vais remercier Sébastien, Thomas et Alexandre, les gars. Merci beaucoup d'être venus ici. Vous revenez quand vous voulez. Merci à toi, c'était sympa. Salut Sébastien. Salut Thomas. Salut Alexandre. Vous aussi, vous êtes sympas, les gars. Et on va accueillir Georges. T'es là, Georges? Oui, bonsoir. Bonsoir, Georges. Georges, il y a une vie. Avant de parler un petit peu de tes amours là en ce moment, Georges, est-ce qu'il y a toi un souvenir de vidéo porno qui t'avait choqué? Pas du tout. Merci Georges, j'en attendais pas moins de ta part et c'est aussi pour ça qu'on t'aime Georges, c'est parce que qui ne dit mot consent. Hein, donc Georges, dans un instant, on va faire un petit point sur toi et sur tes amours, puisque je rappelle que nous te suivons au quotidien, au moins une fois par semaine. On a des nouvelles de toi Georges, parce que tu galères pour trouver la femme de ton cœur et tu nous diras si t'as un petit peu progressé. D'accord, merci Georges. Et je rappelle que si vous voulez faire connaissance avec Georges, c'est le moment de nous appeler au 01 42 48 5000. Georges est de Paris et Georges est quelqu'un de simple et de fantastique à la fois. Restez bien avec nous. Voici Loud, c'est Missing You dans Love in Fun sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too. I keep missing you too much. Radio. Missing You. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. J'ai demandé à Baptiste, notre auditeur du soir, s'il regarde la chaîne YouTube Love in Fun. Baptiste ? Ouais. Ouais ? Franchement, c'est des gros kiffs. Et est-ce que t'as vu la dernière vidéo qu'on a mise en ligne ? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Eh bien, c'est une vidéo de Georges. Eh oui. Georges le dragueur, Georges qu'on aime beaucoup, qui est un auditeur fidèle de l'émission et qu'on essaie, bah voilà, d'aider pour draguer un petit peu, parce que Georges c'est un grand timide, c'est ce qu'il nous a dit. Il a du mal à aller voir les filles, il a du mal à leur parler. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle parce qu'on va retrouver Georges là à l'antenne. Il va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Georges quand il est passé sur l'antenne et qu'il était bah voilà avec des prétendantes. Georges a raccroché. On le rappelle. Mais c'est Georges, t'inquiète pas. Il est tellement pas. Attachant. Ne vous Georges. Inquiétez pas. C'est Georges, il a des problèmes de réseau ou il a raccroché parce que. Oh, j'en sais rien. Coup de tête. Coup de tête. voilà, parce qu'il a fait un petit coup de tête et tout. Mais c'est vrai que Georges, on l'aime beaucoup, donc on a envie aussi de. Puis c'est un vrai personnage, quoi. Ah oui, on veut l'aider. C'est des Georges, il n'y en a pas 100 000, quoi. Donc si vous voulez peut-être discuter un petit peu avec Georges, et nous, on va essayer de le conseiller encore une fois. A priori, il a fait voilà quelques essais un petit peu ce week-end. Des expériences de drague. Voilà, il s'est tenté un petit peu à la drague parce qu'il a davantage confiance en lui. Donc je pense que ça va le faire. Après, moi, je peux combler pendant une heure. Hein. Mais à un moment donné, soit vous me dites Georges est de retour, soit il a raccroché, on n'arrive plus à l'avoir. Hein, y a pas de problème. Hein, on va accueillir Chloé, Maureen. Oui. Bonsoir Chloé et Maureen. Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les filles. Vous, alors les filles, on va vous passer Georges dans un instant, d'accord ? D'accord. Bon, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'avoir appelé. Après, ça match ou ça matche pas, on essaie justement. Est-ce que Georges est de retour ? Non ? On n'arrive pas à l'avoir ? On a vu, il avait plus de batterie, le pauvre Georges. Ben, sans déconner. Tu sais, je connais Georges. Il doit être perturbé là. Il a préparé son coup. Ah, ouais. Ah ça y est, il est là. Ah, il est là. Georges. Oui. Ah, George mais Georges, que s'est-il ouf. Passé, Georges ? C'est parce que, en fait, il y a mon daron. Il y a ton daron, d'accord. Alors, est-ce que tu peux... Alors, je rappelle quand même que Georges, t'as 22 ans. Hein, que ton papa peut comprendre qu'à 22 ans, tu puisses avoir une communication privée. Oui. Oui, tout à fait. Georges, est-ce que tu arrives à t'isoler ? Tu vas pouvoir nous parler ou ça va être compliqué ? Ce soir, ça va être compliqué, mais pour demain, c'est bon. Ok, il y a pas de problème. Alors Georges, juste avant de te laisser, parce que j'ai bien compris que ce soir c'était pas le bon soir, j'aimerais quand même te faire écouter quelque chose, Georges. T'es d'accord ? Oui. Parce que on m'a dit que ce week-end tu avais dragué en disant que tu étais animateur sur Fun Radio. C'est bien ça. Eh bien, génial. Désormais, tu pourras non seulement le dire, mais le prouver. Écoute, c'est pour toi. Tous les soirs, 22h minuit. Avec Georges. Salut, c'est Georges. Sur Fun Radio. Ton jingle personnalisé, Georges. Merci. Ah bah voilà. Il est génial. Georges, à demain alors. À demain. Ok, bisous. Salut, à demain. Et les filles. Et les filles, oui. Chloé et Maureen, je suis désolé, mais Georges, il sait se faire désirer. Il faudra attendre demain pour lui parler. Je suis vraiment désolé, les filles, parce que je sais que voilà, vous avez appelé et tout. Alors, pour nous faire pardonner, on va vous envoyer un petit cadeau, d'accord ? Ah, trop bien. Vous raccrochez pas et on vous fait des gros bisous, Chloé et Maureen. On se rappelle demain. Bah bien sûr. Bah demain. Okay. Demain. Gros bisous. Bisous. Et on va jouer dans un instant. Ce sera l'examen. On a déjà nos candidats qui sont en train d'être appelés. Là, vous êtes très nombreux à vouloir passer votre diplôme. Mélanie est là, de Lorient, une Bretonne. Bonsoir Mélanie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Mélanie. Salut. Ce soir, c'est la Bretagne face à Nancy. Julien, 20 ans de Nancy. Bonsoir Julien. Salut tout le monde. Salut. Salut. J'ai une question à vous poser. Qui va gagner l'examen ? Moi. Bah moi évidemment. Voilà, ils sont tous sur deux dans un instant sur Fun Radio. On va vous poser 10 questions. Vous aussi vous pourrez jouer de l'autre côté de la radio et savoir si oui ou non vous auriez pu avoir votre exam Love in Fun. Restez bien avec nous et Julianne Peretta sera là pour chanter en direct On the Line. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Y'all ready? Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Est-ce que vous êtes prêts? C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono! Et à l'occasion de la sortie du film À la 2 avec Kev Adams et Jamel Debbouze. Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. À la 2! À la 2! Tentez de gagner votre télé 4K à 127 cm. Incroyable! C'est gagné! Ouais. Ça se gagne cette semaine, chez Bruno dans la radio, sur Fun Radio. À la 2, la suite des nouvelles aventures d'Aladin. Tu nous téléportes à Bagdad, on va libérer la princesse. Mercredi au cinéma, avec Fun Radio. Let's go baby! Waouh, et celle-là, regarde. Alors ça, c'est moi dans le Grand Bassin, et là, ça, c'est moi. Oui, non, mais je vais y aller, là. Bah non, mais je croyais qu'on rentrait sur le même vol à 18h. Oui, mais je me suis trompé, en fait, je prends celui de 16h. Mais non, je voulais te montrer les photos de moi qui fait de la planche à voile, c'est bête. Ah oui, c'est bête. Avec EasyJet, il est possible d'embarquer sur le vol précédent pour seulement 30 euros. Et ça, ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. 22h à minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. I can't sleep, thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. You, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Avec Missing You sur Fun Radio. Apéro surprise! Passe ton examen dans Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio, et dans Love in Fun, tous les soirs, il y a un jeu, pas n'importe lequel. Vous passez votre examen. On vous offre un diplôme, un pack Love in Fun et des places pour aller voir le film À la 2. Hein, avec Kev Adams et Jamel Debbouze toute la semaine. Il suffit de nous appeler au standard au 01 42 48 5000. Si vous le faites maintenant, c'est pour jouer demain. Parce que ce soir, nos deux candidats sont déjà là. Il y a Julien, 20 ans de Nancy. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir Juju. Salut. Juju, quand tu vas buzzer, tu vas dire quoi? Je vais dire A. Ah, c'est le A de Denis Brognard. Exactement. A. Alors, on a également Mélanie, 24 ans de Lorient. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bonsoir, salut. Bonsoir Mélanie. Ce sera quoi ton buzzer, toi? Kenavo. Kenavo, la Bretagne. Ah, moi je suis breton, j'adore ça. Alors Mélanie, ce soir face à Julien, Mélanie étant bretonne, c'est un point de plus pour Mélanie d'entrée et d'office. Non, non, Julien étant lorrain, c'est un point de plus. Ok, bon, ok. Bon, vous parlez, vous partez tous les deux à un partout, ok, hein? Nickel. Égalité la plus totale. Alors c'est parti, il y a 10 questions qui vous ont été préparées par toute l'équipe de Love in Fun, c'est-à-dire par Alice et moi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est à peu près la seule chose que moi je fais pendant la journée, hein, parce que j'ai besoin de me prélasser. Merci. Alors, on va vous poser les questions. Et je rappelle que dès que vous pensez avoir la bonne réponse, c'est le premier à buzzer qui donne sa réponse. Si jamais vous faites une erreur, il y a toujours un droit de réponse. Top, c'est parti. Avec combien d'hommes Lisa Sparks a eu des relations sexuelles à la suite? Trois propositions. 157 mecs, 474 mecs ou 919 mecs? Kenavo. J'ai entendu Mélanie d'abord. 157. Mauvaise réponse, Julien. 474. Et mauvaise réponse, 919. C'est juste hallucinant, c'était en 2004. C'est une star du porno, hein, Lisa Sparks, qui a eu des relations sexuelles avec 919 hommes à l'occasion du 3e championnat mondial de gangbang à Varsovie. Doc était d'ailleurs le juge. Hein, Doc, c'est une très très belle expérience, hein, tu nous as dit. Complètement. Bien sûr. Merci Doc. Il rentre dans ton jeu. Grave, grave, grave. Ah oui, carrément, c'était fantastique. Oui, j'avais buzzé à l'époque. Alors, nouvelle question. Cette semaine, une otarie a giflé un kayakiste avec un poulpe. Vrai ou faux? Quel amour. J'ai entendu Mélanie encore une fois. Mélanie. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Vous avez vu cette vidéo ou pas? Oui, oui. Ah oui, c'est donc l'otari qui est en train de bouffer le poulpe et on en a profité pour foutre une mandale au kayakiste. Alors, troisième question. Faites-moi une imitation. Bah alors, qui buzz là? Kenavo, Mélanie. Bé. Non, c'est pas une imitation. Bah, si, c'est une imitation. Ouais, ça va, non. Bah. On veut quelqu'un, on veut une imitation, je sais pas. Eh ben, c'est une imitation d'un animal, t'as pas précisé. C'est juste que t'as bossé pour une question de merde. Merci. Alors, bravo. Ok, bon, la prochaine fois, je dirai une imitation d'une personnalité et on va l'accepter. Julien, t'aurais imité qui, toi? J'en sais rien du tout. Très bien, donc tu fais preuve d'imagination. Nouvelle question. À quoi correspond ce son? Écoutez. Attends, Kassim, attends, mais c'est pas possible. Tu l'as pas fait le son? Ah non, je t'ai pas rentré, non. Oh non. Attends, mais c'est pas alors, possible. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On peut le trouver en attendant. On va le trouver. Donc Julien et Mélanie, cet après-midi, hein, j'ai envoyé un mail parce qu'il faut lui envoyer un mail au mec. Hein. Si tu lui dis, il va pas comprendre. Hein, donc il faut lui envoyer un mail. Je lui ai dit, tu prends ce son de la 39e seconde à la 49e seconde, tu me le mets dans la machine, comme ça on le mettra ce soir. Et au moment où d'ailleurs j'ai posé la question, j'étais persuadé qu'il avait pas. Hein, et le jour où il m'étonnera en positif, celui-là, hein, sans déconner. Ah, ça y est, tu l'as? Alors, je répète ma question. Écoutez bien à quoi correspond ce son et après je vous donnerai des propositions. Est-ce que c'est un castor en rut? Est-ce que ce sont des pets de fouf ou est-ce que ce sont mes couilles qui frottent sur un ballon de baudruche? Ah, Kenavo. Alors, Julien, on t'écoute. Un castor en rut. Mélanie. C'est des pets de fouf. Oui, des pets de fouf. Et c'est incroyable. C'est un animateur radio américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Howard Stern, qui avait organisé le championnat de pets vaginaux. Ça date, hein. C'était en 2009, écoutez cette prestation exceptionnelle d'Abby qui s'est adjugé la victoire avec 93 flatulences vaginales. en 30 secondes. Incroyable. C'est énorme, 80. Et j'aimerais qu'on tente de battre ce record cette année. Hein. Bah vas-y, essaye. Ah non, mais je ne peux pas, je n'ai pas de vagin. Mais attends, c'est vachement avec dur. Avec les gens de l'équipe ? Non. Non. On va ouvrir. On donnerait bien évidemment la possibilité à des auditrices de tenter l'expérience. Mais c'est pas facile, franchement, il faut réussir. Ça se fait pas comme ça sur commande. Mais on a certaines auditrices qui ont ce don-là et qui arrivent à nous faire des pets de fouf à l'antenne. Ah, si vous pouvez. Génial. Si jamais vous êtes peut-être ce soir, je sais pas, près d'un téléphone et près de votre vagin, collez-le à votre vagin et faites-nous une démonstration peut-être de vos talents. Ah oui, on saura vous régaler avec un petit sextoy pour vous récompenser quand même. 01 42 48 5000. Complétez cette expression. Prendre le taureau par les. Kenavo. Oui, Mélanie. Par les cornes. Bravo, bonne réponse. Et oui, c'est une excellente réponse. Nouvelle question. En quelle année a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale? Ah. Oui, Julien. En 18, ça n'est pas une bonne réponse. Il me faut 1918. 1918, oui. Voilà, un petit peu de précision. Bravo. Corentin, alors, il applaudit parce qu'il est quand même stupéfait. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il est sur le cul, Coco. Hein, Coco, tu ne le savais pas? Ah, bah, pas du tout. Mais tu connais 48, pas la date? La date, bah, la date. Première guerre mondiale, Coco. Première guerre mondiale. C'est un jour férié. 14-18. 14-18. Deuxième guerre mondiale. 39-45. Très bien. Découverte de l'Amérique. McCain. Ah, je sais pas. 1492. Tu m'impressionneras toujours. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Écoute, un peu de culture, ça fait plaisir. Hein, c'est quand même le béaba. À Hong Kong, les femmes ont le droit de tuer leur mari en cas d'infidélité. Vrai ou faux? Ah. Oui, Julien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Les femmes de Hong Kong ont le droit de vengeance grâce à une loi les autorisant à tuer leur mari en cas d'infidélité. Seulement, elles ne peuvent l'achever qu'à main nue. Mais c'est fou. Mais il y a des lois comme ça qui restent. C'est comme on en parlait tout à l'heure avec les filles dans le bureau, que les femmes en France n'ont, entre guillemets, pas le droit normalement de porter de pantalon. Parce que ça n'a toujours pas été viré, cette loi-là. Tu vois? C'est dingue, hein? Je trouve que c'est une très belle loi. Toutes les femmes en mini-jupe, c'est magnifique, ou en robe. Vous êtes les bienvenues, les filles. Attention, on fait un petit récap des scores avant la 8e question. Alors, 2 pour Julien et 4 pour Mélanie. Bon, pour l'instant, ça ne m'étonne pas, elle est bretonne. C'est Mélanie qui est face à Julien de la Lorraine. On y va, on continue. Épeler le mot Ouistiti. Ah, oui, Julien. W-I-S-T. Voilà. Oh. Voilà. Tais-toi, j'ai honte. Ah non, c'est O-U. Oui, ne souffle pas. Mais Mélanie, Ouistiti. O-U-I-S-T-I-T-I. Bravo, bonne réponse. Ah ouais, mais la Lorraine a aidé la Bretagne. J'ai envie de te faire un câlin, Mélanie. J'ai envie de te faire un câlin. Quelle est la racine carrée de 36? Kenavo. Ouais, Mélanie. 6. Ah, bravo, putain, quelle domination ce soir. Je crois que c'est gagné pour Mélanie là. Mélanie, bah, on va pas aller plus loin. Je pense que Julien n'en veut plus. Hein, n'en peut plus non plus. 6-2, victoire de Mélanie, voilà, bravo. Julien, un mot peut-être pour féliciter Mélanie? Non. Moi, je l'adore, Julien. Il est super. Ah, Julien, j'ai envie de te filer un beau cadeau. Tu sais quoi, Julien? On va quand même t'envoyer les places pour aller voir le film à la 2 et le Pact Love in Fun. Ça, c'est cool. Par contre, tu redoubles, tu n'auras pas ton diplôme Love in Fun. C'est Mélanie qui va bientôt le recevoir à la maison avec les places. C'est à cause du réseau. Bien sûr. Bah oui, c'est vrai. Franchement, t'as raison. Bah c'est le réseau. Toujours des excuses. Exactement, Mélanie, t'as tout compris. Oh, les Bretons, là, c'est fou d'être si soudés comme ça. Bah quoi? C'est dingue, les Bretons, il se passe un feeling entre vous. Hein. Ouais. On a l'impression que vous êtes tous de la même famille. C'est du favoritisme. Ouais, t'as raison, Julien, c'est vrai. Mais non, mais bon, voilà, la Bretagne, c'est un pays, quoi. Ouais, bah la Lorraine aussi, c'est un pays. Ouais, bien sûr, mais pas de problème. Bah évidemment. Nous, c'est un pays où il y a la mer. Ouais, bah et alors? Vous voulez votre indépendance? Un pays où il y a le ski. Ah oui, c'est vrai. Non, mais toutes les régions sont belles, moi je veux pas d'ennemis. Hein. Mélanie, c'est une victoire en tout cas de ta part et on embrasse fort Julien qui a perdu. Bravo les amis. Ciao Mélanie, salut Julien. Salut, ciao. Salut. Baptiste, est-ce que tu penses que tu aurais gagné notre auditeur du soir, toi? Sur certaines questions, oui, mais d'autres, non. Je te pose la dernière que j'ai pas posée aux autres. Vas-y, la dixième et la dernière question. Où se trouve... Alors, c'est une question d'Alice, hein, qui pense que vous êtes tous nuls et teubés. Où se trouve... Non, je veux être gentil et vous faciliter la tâche. Ah, oui. Où se trouve la ville de Lille en France? Dans le Nord. Dans le Nord. Bonne réponse. Qui c'est qui a répondu à la place de Baptiste? C'est Maxime? C'est Maxime. Salut Maxime. On t'a pas invité encore. Maxime, c'est le mec qui est déjà dans ta soirée, mais tu connais pas. Hein, et tu fais quoi ici, toi? Bonsoir Maxime, ça va? Ouais, salut Doc, Alice, Coco. Salut. Salut. Là, en fait, moi je vous appelle parce que j'ai pas oublié mon ex. Ça fait 3 mois que j'ai quitté. Ouais, bah écoute, tu passes en salle d'attente, tu fais comme tout le monde, hein, Maxime. On va te filer un petit magazine, tu vas bouquiner, t'arrives pas à oublier ton ex, on va parler de ça dans un instant. N'hésitez pas si vous aussi, vous restez bloqué. Après, le deuil, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, parfois aussi. Parfois, t'oublies du jour au lendemain. On parle de ça, d'oublier son ex. 01 42 48 5000, voici David Guetta. I don't wanna like him, we be honest. Right now, why you're sitting on my chest? I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. De la part de Baptiste pour tous les auditeurs de Fun Radio, c'était David Guetta et Don't Leave Me Alone, dédicace jusqu'à minuit. De 22h à minuit, Love and Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Ça me rappelle les émissions dédicaces que je faisais. C'était la Fun Family à l'époque. Alors, c'était pas aussi ringard. mais c'est Baptiste en tout cas qui l'avait choisi ce son-là. Oui. Baptiste, notre auditeur du soir, ça t'a régalé? Ouais, franchement, j'ai kiffé quoi. Merci à toi quoi. Il n'y a pas de problème. C'est le meilleur. Ouais, y a pas de problème. Oui, enfin, c'est pas lui qui l'a fait le son, hein, tu sais. Il a juste se passer, hein. Non, mais c'est vrai. Au moins, il le passe. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Merci beaucoup, Baptiste. Merci d'être avec nous. J'espère que tu passes une bonne soirée. T'es avec nous depuis. Ouais, un gros kiff. Depuis 22h jusqu'à minuit. Et j'espère que tu vas pouvoir réagir parce que, comme beaucoup de monde, j'imagine que t'as déjà eu des déceptions, sentimentales, hein. Et parfois, c'est dur d'oublier son ex. Ce soir, c'est Maxime qui nous appelle. Il a 23 ans. Il est mécano à Paris. Bonsoir, Maxime. Bonsoir toute l'équipe. Salut Maxime. Salut. Bon, t'es dans la panade, dans la galère, raconte-nous là. Non, alors pas plus que ça en fait. Moi, j'étais 5 ans en fait avec une fille. Et en fait, j'ai décidé de rester avec elle, on va dire, il y a un an et demi après notre début de relation. J'ai appris que 6 mois avant, elle m'avait trompé en fait. Ok. Donc j'avais déjà 6 mois dans les dents en gros que voilà, c'était pas immédiat, c'était pas la tromperie exacte. Et elle m'avait trompé en fait avec un pompier, on va dire un fantasme de collège qu'elle avait. Et elle l'avait ramené chez elle. Donc moi, c'est des amis à moi, en gros, on l'a su. Ouais. Et on a mis le mec devant le fait accompli. Et même mon ex, entre guillemets, elle n'a pas voulu assumer. Jusqu'à ce que je lui tire les verres du nez, bref. Donc après, j'ai mis un peu de temps et j'ai fait un break. Et j'ai quand même décidé en fait de la récupérer et de rester avec elle. Et on est resté 5 ans au total avec elle. Et elle a fait au final une fac de médecine. Ouais. Et à la fin, au niveau de sa deuxième année, au niveau du week-end d'intégration, elle a dormi avec un mec. Donc là, j'avais plus du tout confiance en elle et c'est vraiment parti en vrille. Tu vois, j'ai couché avec des putes, tu vois, j'ai baisé d'autres meufs. Attends, t'as couché avec des putes et tout, quoi. Ouais, c'est reparti en live, tu vois. Ouais, bah, t'étais plus avec elle, quoi. C'est ça. Et même par rapport, pour Doc, entre guillemets, j'aurais une question. En fait, moi, je rêvais, en fait, la nuit, si un jour je me mariais avec elle, qu'il y ait mes potes, tu vois, qui se lèvent dans la salle et qui disent, ouais, c'est impossible de rester avec une fille comme elle, tu vois. Et ça me faisait flipper, tu vois. Oui, après le rêve c'est toujours une partie de toi qui oui, a une angoisse ou un désir, ça dépend. Mais voilà, mais ça vient exprimer quelque chose que tu ressens même si c'est pas conscient hein, c'est une partie de l'inconscient, ça vient dire quelque chose de toi. Bon voilà, pas plus que ça, c'est pas non plus. C'est ça. Et même maintenant entre guillemets, on va dire je couche avec d'autres filles, tout va bien dans ma vie, mais ouais. C'est vrai que je la vois partout quoi. J'ai des habitudes avec elle, je la vois chez moi. Enfin, je la vois dans la rue, je passe en bas de chez elle de temps en temps, j'ai un coup d'œil, tu vois, comme tout le monde, je pense. Ça fait combien de temps que c'est terminé ? Ça fait 3 mois, depuis la Coupe du Monde. Ah oui, mais c'est récent encore, là, 3 mois, c'est vraiment c'est pas ça. Beaucoup, parce qu'au final, vous êtes quand même restés 5 ans ensemble. C'est ça. Donc bon, après j'ai entendu qu'il y avait tromperie et retromperie, donc voilà pour que ça s'arrête, ce qui est normal que ça s'arrête. Mais évidemment, ça fait que 3 mois, enfin oui, il va falloir un moment. 5 ans, ça se guérit pas comme ça. Et même en entre guillemets en couchant avec d'autres filles, en voyant d'autres filles, bah, c'est pas bien. C'est encore pire, justement. Ça te ramène au fait que c'est pas la fille que tu veux, c'est pas la fille à laquelle tu penses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut t'aider d'avoir des gens un peu pansement, comme on dit. Tu passes à autre chose, tu oublies. Mais au final, ça va juste te rendre encore plus nostalgique et malheureux parce que tu te forces à reproduire une situation que t'as pas envie pour l'instant. Je pense qu'il faut que tu laisses un peu de temps à ton deuil. Faut le vivre pour de vrai. Si tu dois être triste, eh ben sois triste, tu vois. Et c'est parce que tu pleures un bon coup que tu pleureras plus après et que tu réussiras à passer à autre chose. Ouais, mais j'ai plus envie d'être triste dans ma vie, tu vois. J'ai été triste quand j'étais petit et tout, donc c'est vrai. Ouais, mais c'est compliqué. Vas-y. Oui. Pourquoi t'as été triste quand t'étais petit ? Parce qu'on a une situation familiale compliquée et que j'ai fini en foyer par rapport à mes parents, etc. Ok. Donc tu vois, pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que moi et mon frère, on a été ballottés de foyer en foyer et qu'on était en internat, etc. Et voilà quoi. Donc, après, il y a que mes amis qui sont là aujourd'hui pour moi, tu vois. Ben c'est ça c'est important hein, Maxime, d'avoir des amis. Tu sais, tout le monde n'a pas des potes sur qui compter et c'est déjà quelque chose de compliqué des fois, mais de bien. Mais après, faut pas que tu confondes l'amour et ton passé un petit peu difficile par rapport à ta famille. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis désolé Maxime, mais comme la plupart d'entre nous ici dans ce studio, je pense qu'on a tous eu des peines de cœur. Moi, j'ai souvenir d'avoir. Moi, j'ai tendance à me mettre mal en plus. Bah oui, t'as besoin de ça pour passer à autre chose. Ouais, moi, c'est à pareil. À chialer et tout, et à écouter dire, des musiques. Pourquoi elle m'a quitté C'est ça. Hein, et t'écoutes des musiques, tu regardes des photos, tu pleures, tu déchires la photo, après tu t'en veux de l'avoir déchirée, et après tu te dis putain, mais je pourrais plus jamais vivre sans elle. Ouais, mais et puis j'ai supprimé, tu vois, toutes les photos Facebook, tout ça, ça me faisait trop de mal, tu vois. Par exemple, juste de la voir sur mon mur ou de voir, tu vois, ça, je l'ai bloqué partout, tu vois. Tu passes à autre chose. T'es obligé de passer par là, de toute façon. Je passe à autre chose et j'arrive pas forcément, tu vois, concrètement à passer à autre chose. Mais oui, je cherche pas. Ça va se faire. Plus tu vas éviter la tristesse. Plus tu vas repousser en fait, tu vois, et plus tu vas faire en sorte que ça prenne du temps, parce que tu veux pas être triste, donc ça reste là dans un coin de ta tête et ça va être de plus en plus long. Alors que si tu vis vraiment ton truc, voilà, je suis triste, j'ai envie de chialer, bah je chiale un bon coup, j'ai envie de vivre un peu cette souffrance, bah je la vis. Après je passe à autre chose. C'est le meilleur moyen, tu vois, comme on dit, mieux vaut toucher le fond pour après mieux repartir. Mais toi t'es dans une sorte de constance, genre non, j'ai pas envie de craquer, et du coup ça va te suivre encore plus longtemps selon moi. C'est ça en fait. Enfin, j'ai des vagues, tu vois, un coup je suis content, un coup je suis triste, un coup je suis content, un coup je suis triste. Ça. Il faut que tu traverses cette phase, hein. Plutôt que d'essayer de vouloir t'en débarrasser à tout prix. Non, je ne veux pas ressentir ces émotions. Non, je ne veux pas. Comment ? Pour toi, il faut assumer en fait la situation. Il faut le traverser. Il faut le traverser, ouais. C'est comme ça, c'est normal. Et c'est normal que tu la vois partout, c'est normal que ça te fasse chier, c'est normal que les images te fassent mal, c'est normal. Et il faut le traverser. Si tu essayes de t'en débarrasser pour pas le traverser, ça va revenir de toute façon. Plus tard, peut-être dans ta prochaine relation, tu vas dire « Oh bah tiens, je crois que je suis gris », puis comme ouais. tu l'auras pas assumé, paf, ça va revenir à ce moment-là. Et c'est pareil, ouais. te mettre dans une autre relation, c'est pas la bonne idée non plus, parce qu'on croit souvent, et même sans chercher à le faire, parfois ça arrive, oh, on tombe amoureux, on se dit « Oh bah tiens, c'est que ça doit aller mieux », et en fait, c'est parfois trop tôt, et on reproduit le schéma, et on va faire un transfert complet entre l'ancienne ouais, histoire ouais, et la nouvelle, ouais, et c'est une catastrophe très très vite. Pour vous, il faut combien de temps pour se remettre d'une situation comme ça ? Mais ça dépend. Ça dépend de chacun. Ça fait 5 ans que t'es avec quelqu'un. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de rupture. J'ai mis 1 an et demi à m'en remettre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'était dur pour toi de m'oublier, Alice. Ouais, ça a été difficile. Non, mais franchement, Max, moi, j'ai mis, mais genre au moins 1 an et demi à me remettre d'une relation de 4-5 ans, tu vois. Mais c'est ça, mais et ça sert à rien d'enchaîner les mecs. Et tu vois, j'ai déjà essayé ça une fois. Enfin, pas enchaîner les mecs, mais j'étais célibataire. Ouais. J'arrivais pas à oublier cette personne et j'ai voulu un peu me réconforter dans les bras de quelqu'un que je connaissais bien, avec qui j'avais un bon feeling et tout. Bah, c'est ça, ce week-end, je suis parti en Bourgogne, tu vois, une amie d'enfance. On a passé un super week-end, bref. Mais c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'après, quand tu te retrouves tout seul et puis même tu vis ce moment-là, t'as l'impression de pas être à ta place, t'as presque l'impression de tromper ta meuf. Ouais, non, c'est même pas ça. Franchement, ça m'a fait du bien, en fait, d'être avec une fille qui était passionnée pour moi et tout. Oui, ben, peut-être que c'est ça qu'il te faut. Dans ces cas-là, une fille t'a dit, c'était une amie, quelqu'un qui te connaît, donc qui est là pour toi. C'est pas une nana d'un soir ou une pute. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, Au final, on a quand même couché ensemble, tu vois. Bah oui, mais parce que t'en avais besoin, et puis parce qu'en plus, t'es un mec, donc c'est un peu différent, peut-être. Non, je ne voulais pas, tu vois, de base, tu vois, j'allais là-bas pour elle, tu vois, mais au final, ça a quand même dérapé, tu vois. Bah, c'est que t'en avais besoin, et que c'est que vous deviez le faire, et que c'était le feeling. Ouais, c'était comme ça, c'était naturel, ouais. Mais ça sert à rien d'enchaîner, de toute façon. Tu pourras pas oublier comme ça, et pour l'instant, t'as encore des sentiments pour elle, et donc, il n'y a que le temps qui t'aidera à passer à autre chose. Il faut juste que tu remplisses tes pensées. En fait, c'est ça. Moi, je sais que quand j'ai vécu ça, je ne me laissais pas trop le temps de penser. Tu vois, je faisais des choses. Tu faisais du cheval, du théâtre, des fléchettes. Je faisais du shopping, je sortais avec mes copines et j'étais devenue un peu comme dans le film Yes Man. Je dis oui à tout. Oh, tu veux aller à tel endroit ? Ouais, ok, j'y vais. Et tu te retrouves à faire plein de soirées, à rencontrer plein de gens. Et... Non, mais t'as toujours des périodes où t'es tout seul. Bah oui, mais. Moi, je sors beaucoup. Hein. Je suis là, je suis même dehors avec mes potes et tout, tu vois. Mais je sais pas, enfin, quand je suis chez moi tout seul, c'est pas la même, tu vois. Mais même en étant seul, il y a un matin, un jour, tu vas te réveiller et tu te diras, oh merde, j'y ai pas pensé aujourd'hui, tu vois. En fait, c'est juste ça. Pour l'instant, tu y penses tout le temps, tu l'imagines partout. Mais c'est toi aussi qui t'obsède avec ça. Tu vas regarder devant chez elle, tu veux savoir ce qu'elle fait. Mais il faut que tu passes à autre chose par rapport à ça. Et il y a un jour, bah, tu vas dire, bah merde, j'y ai pas pensé de la journée. Ah bah, ça fait une semaine que j'ai pas pensé à elle. Et au bout d'un moment, eh ben, tu verras que tu penseras à autre chose et ça va passer. Mais c'est horrible à dire, mais c'est seulement le temps qui peut t'aider. C'est important aussi. Mais après, je ne veux pas l'oublier pour autant, tu vois. Je veux garder les bons moments qu'on a passés ensemble. Mais tu ne l'oublieras pas. Bien évidemment que tu ne vas pas l'oublier. C'est une histoire, c'est un moment de ta vie. 5 ans, ça ne s'efface pas. Puis il est hors de question de l'effacer. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est que ce soit moins douloureux et que tu puisses passer à autre chose. Et je pense que moi, à un moment donné, de toute façon, comme tu le disais, oui, mais je me retrouve tout seul par moment. Eh bien oui. Et les moments où tu vas être tout seul, tu vas être triste. Eh ben oui, faut l'accepter. Bah, ok, quand je suis triste. Bien sûr. Bah vas-y, accepte d'être triste. Il faut le traverser. Plus t'essayes de le remettre loin, plus t'essayes de t'agiter, plus t'essayes de te le cacher, et plus de toute façon tu vas te le reprendre. Donc faut accepter. Et à l'arrière, faut se dire, ok, tiens, bah là je suis tout seul. Allez, je vais aller au fond de ma tristesse. Je suis triste. J'accepte d'être triste. C'est normal. C'est comme ça que tu vas cicatriser. Ouais, une petite pute de temps en temps pour aller mieux. Et hop, on se remet en selle, bien sûr. Si tu le sens comme ça, bon, pourquoi pas. Non, c'est pas bien. Bien évidemment, surtout au tarif actuel, c'est beaucoup trop cher. Mais hein. Tu vois, tout à l'heure, tu disais un truc drôle, tu parlais du mariage, tu disais, oui, moi j'ai peur qu'à mon mariage, il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise, ah oh, bah machin, mais à ta place, j'aurais peur qu'un pote se lève en disant, je me rappelle de l'époque où Maxime se tapait des putes, tu vois, là, ça serait quand même plus gênant. C'est vrai, Maxime. Non, ça, c'est pas grave, ça, elle est à Amsterdam, elles étaient bien foutues, tu vois. Ah, bah, voilà. Oui, ah, bah, elles sont belles. Hein. Voilà, bah, on y est allé à Amsterdam, Maxime, ça fait partie de mes grands regrets. Hein. Ouais, il a pas toqué à la fenêtre. Je me suis renseigné, on nous avait dit 50 euros un quart d'heure et tout, et puis j'avais plus de monnaie, et Kassim, mon ami de 10 ans, n'en avait pas non plus. Bah, hein. On aurait pu faire une note de frais. T'imagines ? Ouais, c'est ça, une note de frais. Ouais. Mais c'était quoi cette note de frais de 50 euros ? Monsieur Carré voulait se faire une pute. Ah ok, il va bien, il est content, ok super. Hein, détendu. Je rappelle que tout ceci est illégal. fait qu'une fois, tu vois. Non, mais il n'y a pas de problème, Maxime. C'est pas une mauvaise expérience. Et écoute, t'es dans la sale période, c'est une période qui va s'arrêter et effectivement le temps arrange bien les choses dans ces cas-là, Maxime. Après c'était dans ma tête, c'était un pour un, tu vois. En gros, elle m'avait trompé, donc du coup j'étais obligé de la tromper. Ouais, ça c'est des conneries. T'es encore immature dans tes relations, Maxime. Ah ouais, tu penses? Ouais, carrément. Mais enfin, franchement, moi, je pense que quand t'as 23 ans, des fois, c'est, enfin voilà, t'as envie de profiter de la vie, et puis les relations, elles sont pas encore hyper stables. Il y en a un qui se marie à 23 ans pour qui tout va bien, etc. Puis il y en a qui ont besoin de profiter, etc. Et voilà, tu cumules les expériences pour peut-être un jour rencontrer la nana qui va, avec qui tu vas avoir envie de te poser, et qui bizarrement avec elle, bah tout sera naturel et fluide, quoi. C'est-à-dire que là où tu te prenais la tête avec toutes les meufs avec qui t'étais, bah là, avec celle-là, ce sera différent. Et ce sera la femme de ta vie. En fait, moi, dans l'idéal, je cherche ça, tu vois, mettre avec quelqu'un de bien, qui a des basses, enfin, repartir sur des basses scènes, être sérieux avec la personne, tu vois. Ah, en ce moment, j'ai que Georges en stock. Georges, il est célibataire, mais on va essayer de te trouver ça, Maxime. Profite de la vie, mon poteau, et bon courage à toi, Maxime. Prends soin de toi. Je mets pas de barrière, etc., mais l'idéal, ça serait ça, vraiment. Après, je sais, on m'a dit, je suis jeune et tout, tu vois, donc j'ai le temps. Bah oui, bien sûr. Mais c'est bien pour ça, Maxime. Te prends pas trop la tête avec ça. Ouais, tu réfléchis trop. Gros bisous, mon Maxime. Merci d'avoir appelé. Dans un instant, sur Fun Radio, on va parler du coup de foudre. Le coup de foudre, est-ce que ça existe? Doc nous expliquera comment ça se passe, le coup de foudre. Hein, le truc. Je crois qu'il y a un rapport avec la mer aussi, un délire. Doc va tout nous expliquer. Alice, on en parlera parce qu'on a reçu un petit message. Oui, c'est ça, un message de Ludo. Il a été à une soirée en boîte. En fait, il a croisé une danseuse. Il a eu vraiment un coup de foudre pour cette fille au point qu'il a réussi à la retrouver sur Instagram. Il lui a jamais parlé. Il n'ose pas lui parler. Il la connaît pas, mais il est amoureux d'elle. C'est fou ça. Ouais. On va tout vous expliquer dans un instant. Vous restez bien avec nous et venez partager vos coups de foudre. Ça c'est le nouveau Z avec Happy Now dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love Fun. Votez maintenant pour vos DJ préférés. Fun Radio DJ Wars is amazing. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir les catégories, les DJ et voter pour les soutenir. Hey everybody, this is Armin van Buuren. Salut, c'est DJ Snake. C'est Koons. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Votez pour moi. Please vote for me. Votez pour vos DJ préférés, funradio.fr. Fin des votes, le mardi 16 octobre. Fun Radio DJ Awards. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. The dreams we had, the love we shared, this 22h à minuit. Love in Fun. Appelez Karel, Alice et Dom Pavajo. 0142 48 5000. Sur Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. On terminera l'émission avec une question à la con ce soir. 0142 48 5000. Si vous pensez avoir une petite question mais complètement conne, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio pour venir nous la poser. En attendant, on va parler des coups de foudre, Alice. Oui, on a reçu un message de Ludo, en fait. Il nous a envoyé un message privé sur Facebook. Il a eu un coup de foudre. Il a été en boîte avec ses potes et en fait, il y avait une danseuse. Vraiment, il a flashé sur elle. Il a réussi à retrouver son compte Instagram. Donc maintenant, il la suit, mais il lui a toujours pas parlé. Et en fait, il est amoureux de quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. Ouais, amoureux, quoi. Coup de foudre, c'est ça. Ah ouais, il a de vrais sentiments pour elle. Tomber amoureux, le problème, c'est quand c'est pas réciproque. C'est quoi coup de foudre, Doc? Oh, c'est vraiment une grosse projection de notre désir, de notre inconscient, de notre cerveau reptilien. C'est lui, c'est elle. Voilà. Ouais. On sait vraiment pas à qui on a affaire derrière. C'est vraiment une envie impérieuse. Voilà. Ça va être celle-là, ça va être celui-là. J'imagine que l'attraction physique joue énormément. Bien sûr. Parce qu'on a rarement un coup de foudre pour quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement, surtout si on lui a jamais parlé. Bien sûr. Mais derrière le physique, qui est déjà une chose, et évidemment qu'il doit plaire, c'est au premier coup d'œil, ton inconscient sait qui il y a derrière. Enfin, ouais, il y a un feeling. Il croit en tout cas. Et donc, ah oui, mais si, c'est lui, c'est elle, je le perçois, je le sens, voilà. Bon, après, là, évidemment. Et là, dans le cas de Ludo, c'est sûrement fantasmatique, quoi, parce qu'au final, il tombe amoureux d'une fille parce qu'il voit des photos de cette fille et il la connaît pas du tout et il se crée une histoire avec elle, en fait. C'est une pure projection. Son inconscient se dit, c'est elle, qui qu'elle soit. Parce qu'il ne la connaît pas. Et voilà, avec beaucoup, bien sûr, là, le physique. Mais C'est une projection. C'est pas la personne réelle telle qu'elle est, qui elle est, qu'on aime ou qu'on apprécie. C'est ce qu'on aimerait qu'elle soit, c'est ce qu'elle représente, c'est l'image qu'on en a. Alors, le coup de foudre, c'est Mathieu qui va nous en parler parce qu'il a déjà eu un coup de foudre. Mathieu, t'as 21 ans, t'es à Lyon, toi. Oui, salut à toute l'équipe. Salut Alice, salut Doc, salut Karel. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Mathieu, oui. Et toi, ça va bien? Ça va, un peu stressé. Détends-toi. T'es en quel but là, tranquille? Gratte-toi les couilles, sens-toi à l'aise. Sens tes doigts, fais-toi plaisir. Tu peux te gratter les couilles, sentir tes doigts. Petit conseil d'Alice, voilà. C'est charmant. C'est en détente, voilà. C'est en détente. Mathieu, coup de foudre, ça te parle ou pas toi? Oh oui. Oula, oui, c'était l'année dernière, en 2017, le 13 janvier 2017. Ah putain, ouais, ouais, ouais, ça date. Ouais, c'est une date qui restera gravée à jamais en moi, si j'ose dire. Donc en fait, j'ai rencontré une fille, elle était serveuse dans une chaîne de resto, donc je dirais pas le nom. Et en fait, cette fille, j'en suis tombé, mais sur le cul dès le premier regard. Je sais pas ce qui m'est arrivé le jour là et tous les jours je pensais à elle, tous les soirs. Ouais. Et en fait pendant un mois, tous les week-ends, j'avais un pote et on allait au restaurant pour essayer de l'approcher et tout. Et je sais pas, disons entre guillemets, enfin pour être précis, j'ai pas eu les couilles d'y aller. C'est un peu compliqué, je sais. C'est entre temps, en fait, j'avais un pote qui travaillait là-bas dans la même chaîne de resto, et je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro et tout ça. Chose qu'il faut pas faire. Ah bah non. Non, c'est la chose à pas faire. Hein, pour tous ceux qui écoutent, ne passez jamais par les amis. Quand t'as 14 ans, ça peut passer, mais quand on a 20. Et encore. Et du coup, en fait, il en a profité pour cette affaire. Ah bah voilà, ça c'est les bons potes. Hein. J'en ai un comme ça, il s'appelle Cassim aussi. Bah oui. J'ai entendu un peu, ouais. Ça fait 3 ans que je vous écoute, j'ai un peu compris comment ça fonctionne, ouais. T'as cerné l'énergumène, ouais, bien sûr. Ah oui, j'ai bien cerné, j'ai bien eu le temps d'écouter. Ouais. Monsieur Quetard. Et du coup, en fait, tellement omnibulé par cette fille, tous mes potes, je les saoulais avec ça et tout. Et en fait, à ce moment-là, au bout d'un moment, je suis parti. En fin février, ça se passait pas très très bien à la maison et tout ça, chez moi, chez mes parents. Et puis, j'étais tellement omnibulé cette fille et tellement j'avais l'impression qu'elle s'en foutait de moi. En fait, elle m'avait tout simplement pas remarqué, elle savait pas que j'existais parce qu'en fait, il avait pas parlé de moi. Il m'avait dit, ouais, t'inquiète, je parlais de toi et tout, tiens, m'a jamais parlé de moi. Et puis du coup, bah, je suis parti en Irlande, j'ai pété un câble du jour au lendemain, j'ai tout lâché, mon boulot, tout, toute ma famille. Mais non, à cause de cette nana qui t'avait jamais rien fait. Ouais, ouais, parce qu'en fait, je pensais que, parce que j'avais tellement omnibulé par cette fille, tellement flashé, que bah, je suis parti. J'ai tout laissé tomber, même mes grands-parents, parce que bah, dédicace à eux, là, ils m'écoutent. Ils m'écoutent, et ma grand-mère, voilà, qui est très proche de moi, tout ça, elle était pas là, elle était en vacances, et quand elle est revenue, bah, voilà, ça lui a fait un choc de savoir que j'étais parti sur un coup de tête comme ça, sans dire rien à personne. Donc je suis parti une semaine, et réfléchir tout ça, je suis rentré. Et puis j'ai continué à réfléchir, je traînais là-bas, je savais pas trop s'il fallait y aller. Puis un jour on est allé avec un pote à moi, mon meilleur ami, Kevin, qui m'écoute aussi avec son frère Dylan, donc je vous fais une bise. Ouais. Et il m'a dit c'est cash, c'est clair. Entre 4G, il m'a dit c'est soit t'y vas, soit dans 5 minutes je vais la voir. Mais c'est mort. Après t'oublies, tu pourras jamais lui reparler parce que catcheur comme il est, c'est mort. Et là, j'ai pris mon courage de demain, j'y suis allé, je lui ai parlé tout ça. Mais non. Voilà, après, si, j'y suis allé, du coup, j'ai dit, allez, j'y vais. Et puis, bah, en fait, il s'avérait qu'elle savait pas qui j'étais, donc on a discuté 5 minutes et tout ça parce qu'elle était au travail. Et puis, on a échangé nos Facebook. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation d'elle, donc voilà, on a discuté tout ça. On a eu un premier rendez-vous, donc je l'ai emmené se balader en quoi, tout ça. C'est une longue histoire. Hein. Putain, tu te l'es tapé ou pas? Tu te l'es tapé ou pas? Tu te l'es tapé ou pas? Est-ce que tu me fais chier? Pourquoi tout de suite ça d'abord? Ok, non, mais t'as raison. D'abord, on t'écoute. Équitation. Écoute, il y a quand même Bruno qui vient d'arriver et qui attend de démarrer son émission. Là, donc, si tu veux. Il est quand même 6h du matin maintenant. Ah merde, déjà. Non, vas-y, après, continue, Mathieu. Donc, il y a le deuxième rendez-vous. Donc, je suis aussi me balader tout ça avec elle. Et puis, du coup, j'ai décidé de l'emmener un soir. En fin de journée, vers chez moi, j'habite dans la campagne. Et je l'ai emmené sur une colline qui surplombe vraiment bien la vallée, tout ça. Oh, ringard. Et au coucher de soleil. Et du coup, on a discuté un moment. Et puis, bah, j'ai dit, allez, je me lance. Dans ma tête, j'ai dit, allez, je me lance. Et puis, du coup, je l'ai embrassé. Et du coup, voilà, on est sortis ensemble pendant 4 mois. Et puis, voilà, ça s'est terminé parce que, voilà, on a. Oh merde, mais attendez, que tu me dises, vous savez, je me suis marié hier, ce week-end. Alors, et on vient d'avoir un enfant. Oui. Non. Elle s'est mariée, elle, mais pas avec lui. Non, elle est toujours célibataire, je crois. Du moins, j'espère. Et pourquoi ça s'est arrêté? On s'est pas bien compris, elle et moi. C'est pas qu'on s'est pas bien compris, c'est juste que. Elle était encore assez, pas au point niveau amour. Elle faisait beaucoup d'erreurs on s'est pas compris en fait. Okay. Et voilà. Voilà. Ouais. Tu vois tout ce que t'as projeté sur elle et tout ce temps que tu y as passé et tout ça pour ça, parce que de toute façon derrière il faut apprendre à la connaître. Donc je regrette de pas avoir passé plus de temps avec elle, tout ça, par rapport au fait que voilà, ça s'est terminé trop prématurément pour moi. Mais pour être honnête, si elle m'écoute, je serais prêt à faire n'importe quoi entre guillemets. Ce que je veux dire, je serais prêt à retourner la terre entière pour elle. Ah oui. Oh, bah, tu veux la récupérer? À ce jour encore, oui. À ce jour encore. Mathieu, si tu veux, on te gère ça demain. Mais grave. On lui passe un petit coup de téléphone. Ouais, non, mais j'en ai discuté avec au standard. C'est un peu plus complexe que ça. Voilà, ouais. Je m'étendrai pas sur le sujet. D'accord. Maintenant. Okay. Mathieu l'a déjà fait, hein. C'est vrai. Non, mais Mathieu, oui. Je suis désolé de te couper parce que il y en a d'autres qui attendent aussi pour raconter leur coup de foudre. Hein, et donc du coup, Mathieu, en tout cas la finalité, et moi c'est ce que je pense, c'est que la plupart du temps les coups de foudre, bah c'est juste une attraction viscérale, un peu physique au départ, et puis après, bah quand tu fouilles, c'est pas forcément la personne qui te correspond, quoi. Mais effectivement, il y a cette sensation assez folle de devoir là, absolument la connaître, lui parler, la draguer, l'embrasser. Mais on a compris. Stop, Mathieu. Accueillons Élodie, 26. D'Orléans. Bonsoir Élodie. Bonsoir vite fait, parce qu'on n'a pas trop le temps. Ah oui, fais vite. Élodie, bien sûr. Non, mais on a quand même encore 5 minutes là avec toi. On a le temps de t'entendre et de t'écouter, Élodie. Vas-y, dis-nous, parle-nous de ton coup de foudre que tu as eu pour un animateur radio de Love in Fun. Il est toujours célibataire, au moins, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Ah, je suis célibataire. Ouais. Ouais, ça, c'est récent. Un jour. Un jour quoi? Elle chante. Un jour, ton prince viendra, c'est ça? Ah, le prince, c'est des crapauds en ce moment, hein. Je voudrais pas dire, mais. Et tu galères en ce moment, t'as pas de mec? Non. Et t'es amoureuse dans ta vie? Ah oui. Et t'as cru que c'était le bon? T'as cru que c'était le lui? Oui. Et t'as cru que c'était le prince charmant et puis il s'est transformé en vieux crapaud baveux. Voilà. Mmh. Bah ouais, bah ça arrive 90% du temps. Et puis après on se fait une raison. Et c'est ça. Et on finit par trouver de la personne. En tout cas, c'est ce qu'on cherche tous hein, quelque part. Hein. Il s'agit d'arrêter de croire au prince charmant. Voilà, c'est ça. Alors Élodie, raconte-nous. Alors moi j'étais au lycée en fait, il y avait un grand machin 1m90. Qui surplombait tous les élèves de la cour, hein, donc on pouvait voir que lui. Ah ouais. Il était grand, il était beau, enfin selon moi, selon mes goûts, hein, il était beau. Et en fait, je missionnais mes copines pour qu'on se rapproche de lui. Je connaissais son emploi du temps par cœur et tout. Ah ouais, fort. Psychopathe. Ah non, c'est normal. Ah ouais, mais attends, psychopathe gentil. Et tu sais que même non fumeuse, je me suis acheté des cigarettes si jamais par hasard. Il me demandait une cigarette. Non, mais c'est génial. C'est génial ça. La base. Élodie la prévoyante. Bon. C'est ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour j'étais en classe et puis donc j'étais dans un bâtiment et il y avait un bâtiment opposé parallèle et je le vois à la fenêtre, il était en cours, je pouvais le voir. Voilà. Donc bien sûr, j'écoutais plus le cours et puis je le vois qui me fait coucou. Oh alors Mira, je lui fais coucou et tout et puis là je vois qu'il fait une drôle de tête. Puis derrière, j'entends « Bah, tu le connais ?» Une fille qui me dit « Bah, tu le connais ?» Bah, non, je le connais pas. Et en fait, là, grand moment de solitude, en fait, c'était pas du tout à moi qui faisait coucou. J'ai l'impression d'assister, tu sais, à un film, genre dans une fac américaine et tout. T'entends plutôt, tu sais, comment elle s'appelle Bridget Jones. Bridget Jones. Ah, attention, parce qu'elle se tape quand même Hugh Grant et Colin... comment il s'appelle Mark Colin Firth. Élodie, donc là, tu t'es pris le vent de l'année. Hein, Alors attends, du coup, j'étais en queue de cheval, je détache mes cheveux, mode incognito, comme ça, il me reconnaîtra pas. Et puis après, bah, je l'ai évité pendant toute une semaine. Hein, quand même. Ah putain, ouais. Et après, Après. Je pense qu'en fait, il m'a jamais remarqué, à mon avis, parce que comme il était trop grand, il devait voir que le dessus de ma tête. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais. Ok. Voilà, quoi. Et là, t'es donc célibataire en ce moment, Élodie. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais tu vois, je regrette pas parce que finalement, j'ai vu des photos de lui sur Facebook récemment. Il a mal vieilli, quoi. Ah ouais? Oui, voilà, elle a marché. Donc voilà. T'as bien fait de pas tenter le pas, quoi. Mais ça, c'est génial, Elodie, voilà, parce que t'as raison. Les stars du lycée et du collège, tu sais, comme on disait, les populaires, hein, tu vois. Ouais, lui, il est trop populaire et tout machin, sauf que lui, il a super mal vieilli. Et la meuf qui était plus bonne que la plus bonne de tes copines, finalement. Et nous, en vieillissant, on devient trop belle. Grave. Et alors que le mec qui est le boutonneux, quoi, le roi cutane a enfin marché, le mec, c'est une bombe maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le gars, il pelait tellement il avait des boutons et tout. Sauf que maintenant, il a plus de boutons et il tourne dans des films. Hein, non, mais c'est ça, mais bien sûr. Ouais, mais c'est carrément ça. Bah, Élodie, tu es belle. Tu es belle ce soir. Ouais, et nous t'embrassons, nous te remercions. Merci beaucoup, Élodie, pour ce témoignage. Bonne soirée. Gros bisous. Salut. On a une question. Remets-la à l'antenne, Coco. J'aime pas quand tu coupes les auditeurs. Élodie, tu disais quoi? J'espère que j'ai pas été trop longue quand même. Mais non, bien sûr que non. On a tout le temps pour toi, t'inquiète pas Élodie. On te fait des gros bisous en tout cas, tu reviens ici quand tu veux. Et on se fait une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Ah, et Coco, faut le canaliser, hein. Je vous le dis. Hein. Ah ça ouais, y est, c'est hein. Vrai. Hein. Non mais là, il a ce rubrique sur Fun, maintenant il prend le boulard le mec. C'est grave. Il fait 3 jours et tout, il nous fait des spectacles. Calme-toi Coco, calme-toi. On va accueillir Romain. Romain, 25 ans de Lyon. T'es là Romain? Ouais, salut Alice, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir, ça fait plaisir, avec Alice qui compte. Hein. Ouais, tu sais quoi Romain, on te laisse avec Alice. Je t'écoute Romain, c'est quoi question? En fait, je me demandais, si je mange du savon, est-ce que je pète des bulles? Bah oui, évidemment Romain. D'ailleurs, je t'invite à manger du savon, à nous envoyer une vidéo. Voilà, c'est ça. Et à mourir en direct. Hein. C'est un très mauvais conseil, Alice. Enfin. Ah bah moi, je suis pas médecin. Hein. Alors, Doc, si on mange du savon, est-ce qu'on peut péter des bulles de savon ? Non, tu seras peut-être mort avant. C'est toxique, le savon. Hein. Ça ne se mange pas, ça ne s'avale pas, ça ne doit pas passer dans l'estomac. Voilà. Donc, non, on n'avale rien de ce genre-là. Du coup, tu rôtes des bulles. Le savon naturel de Marseille. Et tu t'étouffes, en fait. C'est ça, quoi ? Oui, dans la mousse. Je crois pas qu'il y ait des questions de bulles, c'est juste que c'est des produits toxiques. Et vous savez quoi, c'est une vraie question à la con, ça. Romain, t'es où là? Je t'entends là mal, là. T'es où là? T'es sur la route là? Non, je suis conducteur de train, donc je suis dans mon train en fait. Oh. Dans ton train? Mais non, t'es conducteur SNCF? Non, pas du tout. Conducteur de quel type de train alors? De train de marchandises exactement. D'accord, et t'as un petit coup de klaxon de train ou pas? Oh, génial! C'est énorme! C'est énorme! Et là, t'es en train de rouler et tout, là? Non, je suis à l'arrêt, sinon je vous téléphonerai pas. Allez, encore un autre! Encore un autre! Musique. Allez, un petit dernier. le truc est un petit peu rouillé, j'ai l'impression. C'est grave. Hein, et merci beaucoup, Romain. Fort, c'est la nuit quand même. Il n'y a pas de problème. Salut Romain, merci de nous écouter. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les soirs. La famille Fun Radio, Love in Fun, 22h minuit, du dimanche au jeudi. Avant de retrouver Matt au platine de Party Fun, c'est Baptiste qui termine cette émission. Allez, c'est parti, Baptiste, on t'écoute. Bah, merci à vous, à toi, Karel, au conseil de Doc et à la plus belle du monde, à Alice. Oh, petit chat. Et franchement, j'ai surkiffé cette soirée avec vous, quoi. Vous êtes les meilleurs. Et pleure pas, Baptiste. hein? On se reverra, hein? Bah, si vous voulez, dans 15 jours, je vais à Paris. Ah génial! Alors, et c'est encore mieux de vous voir en vrai. Hein. Nous, on adore ça. D'ailleurs, je le rappelle, si vous voulez assister à l'émission de Love in Fun, nous, on aime beaucoup recevoir les auditeurs. Ah oui. Hein, ça nous dérange absolument pas. Vous envoyez un mail loveinfun@funradio.fr. Enfin, si Cassim arrive à voir le mail, puisqu'a priori, il n'a pas reçu le mien tout à l'heure. Hein, je rappelle que Cassim est incompétent ce soir. Ouais, ça même tout comme tous les soirs. Bravo. Ah bah, et c'est pour ça qu'on l'aime. Ah bah oui. Hein, c'est, parce qu'il a quand même quelques qualités. Bah, il assume. Bien sûr. Mais surtout, c'est lui qui fait les notes de frais. Ah oui. Et ça, c'est bien. Bravo, Cassim. On va vous retrouver dès demain sur Fun Radio. Bonsoir, Matt. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va? Bah, ça va bien. Est-ce que t'as passé un beau week-end? Ouais, j'ai passé un très beau week-end. Écoute, je me suis pas mal reposé et tout. La semaine dernière aussi, je me suis reposé. Voilà, je suis en pleine forme, prêt à attaquer une nouvelle semaine, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? T'es bien mystérieux. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Attends, j'ai beaucoup regardé la télé, je vais te le dire, j'ai beaucoup regardé la télé. Ouais. Pourquoi? Tu me regardes avec un sourire bizarre, c'est quoi? Non, j'ai pas de dos. Non, je sais pas, non, mais je m'intéresse à toi. Je me méfie, hein, je veux dire, une photo qui traîne. Personnelle, qu'est-ce que tu fais le week-end? Non, franchement, je vais pas te faire rêver, j'ai rien fait de passionnant. J'ai lavé ma voiture, tu vois, j'ai regardé la télé, j'ai bouffé des gâteaux apéro. T'es même pas fait sucer, rien du tout. Non. Pas faute d'avoir essayé, effectivement, mais non, pas ce week-end, j'ai envie de te dire. Eh ben, merci. Voilà, vous savez que Matt, ce soir, en démarrant l'émission, ne s'est pas fait sucer ce week-end. Exactement. Et ça, c'est une info importante. Voilà. Que va-t-il se passer jusqu'à 1h du mat? Que va-t-il se passer? Peut-être que justement, je sais pas, pendant la soirée, si quelqu'un vient dans le studio, je sais pas. Faites entrer la surprise pour Matt ce soir! Ouais, une surprise! Ah, elle est là, elle arrive. C'est Méloge du standard. Ah bon? Voilà. Eh ben, voilà. C'est vrai que pendant l'émission, j'ai tendance à baisser un petit peu les lumières, donc on sait jamais, voilà. Si quelqu'un vient, on sait jamais. Alors, si jamais tu veux voir les seins de Méloge. J'ai entendu tout à l'heure. C'est sur son téléphone. Elle a les seins, enfin voilà, une petite photo de ses seins. J'ai entendu tout à l'heure. Il y a une histoire d'ancien de nouveau. Ouais, oui. C'est ça. Oui, mais oui. Elle avait, pas elle a. Hein. Ben justement, on attend la fameuse photo avant-après. On verra ça. Rire gêné. Allez, on attaque l'émission. C'est parti. Party Fun jusqu'à 1h du mat avec Matt au platine. Salut tout le monde, à demain. Salut. À demain, bisous. Et ce soir dans Party Fun jusqu'à 1h, comme d'habitude, comme tous les lundis, il va y avoir le coup de cœur, Hardstyle, énorme coup de cœur. Ce soir, je vous prépare aussi un souvenir qui date de 99, les amis. Ben oui, 99, ça date un petit peu. On va se faire plaisir avec un son qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Et puis on démarre l'émission maintenant avec Cédric Gervais, le pote de David Guetta. Et puis Loud Luxury maintenant. Voici Body dans Party Fun sur Fun Radio. Belle soirée tout le monde.